Stephen King aimait bien se taper un bon verre de temps en temps, Stephen King aime bien lire un bon bouquin au coin du feu, Stephen King a écrit Celui qui garde le verre et les frères Filardi l'ont adapté. Tous et toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Bon, écoute, ça va. Nous enregistrons donc cet épisode juste après avoir enregistré un autre podcast, le 30 millions d'attaques consacré à Isolation. On vous encourage à aller l'écouter si ce n'est fait. Il est sorti il y a 2 semaines. Oui. Voilà. Et... autant faire la pub tout de suite. Voilà, et regardez le film parce que c'est très bien. Oui, effectivement, c'est très chouette. Voilà. Les nouvelles qu'on peut donner, il y en a 2. Déjà, j'avais pas vu ça, je m'en suis rendu compte hier, mais il y a une date annoncée pour la sortie du 3e tome du Talisman. Donc la suite de Talisman et de Territoire. Les deux premiers étaient coécrits avec Peter Straub. Celui-ci, King, l'écrit d'après des idées de Peter Straub, avec Peter Straub, mais il l'écrit seul, Straub étant décédé. Oui, forcément. Il sortira le 6 octobre 2026. Le titre, c'est Other Worlds Than These. Et apparemment, ce sera une édition illustrée de base. Et c'est annoncé à un peu plus de 600 pages. Donc, c'est quand même un relativement long livre. Et du coup, ça sera une conclusion? A priori, oui. Ça fermerait la série. D'accord. Mais on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment. Hein. On en aura plus au fur et à mesure. Oui, voilà. D'ici octobre, il y a encore... encore quand même de la marge. Oui, voilà, c'est ça, ça nous laisse encore quelques mois. Et autre nouvelle que je voulais mentionner, l'acteur Tom Noonan est décédé, c'était l'acteur principal dans un petit truc, dans The Moving Finger. Oui. Donc un épisode de la série Monster qui a adapté le doigt télescopique et qui était plutôt fun. Et oui, qui était déjà, l'adaptation était plutôt fun, et puis pareil pour la nouvelle, hein, c'était une nouvelle qu'on a plutôt bien appréciée. Oui, c'était chouette le doigt télescopique, effectivement. C'est pas un si vieil épisode que ça, d'ailleurs. Non, c'est quoi, il y a quelques mois? Le doigt télescopique, c'était notre 107e épisode, et là, on en est au 114e. Ouais, il y a quelques mois. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle qui est publiée dans Danse Macabre, à la base, alors qui a été publiée sous le titre Celui qui garde le verre, mais dans certaines éditions des éditions futures, elle reprend son titre anglais. Donc, Jerusalem's Lot. Mm. Notamment, c'est sous ce titre-là que vous l'aurez si vous êtes soit sur la nouvelle traduction de Danse Macabre, qui est sortie il y a quelques mois, il y a quelques temps, soit sur l'édition collector de Salem, où elle est mise en bonus. Ah, voilà. Ils la retraduisent. Enfin, du coup, ils ne la traduisent pas, le titre, sur les nouvelles traductions. Non, non, non, d'accord. Ça reprend. Et je pense que la traduction est différente aussi, hein, globalement. D'accord. Alors après, l'édition livre de poche, moi, celle que j'ai, qui date... Bon, dans tous les cas, je pense que t'as l'ancienne traduction, toi. Ouais, mais il précise, en fait. Dans ce recueil-là, t'as la traduction, et en dessous, entre parenthèses, t'as le titre VO de la nouvelle. D'accord. Ouais, sur mon édition, c'est ça. C'est Celui qui garde le verre, et en dessous, entre parenthèses, Jerusalem Lot. Ah, peut-être du fait qu'elle a des fois été publiée sous d'autres titres, ils voulaient éviter une trop grande confusion. Non, parce qu'ils font ça pour toutes les nouvelles. Ah, d'accord. Poste de nuit, en dessous, entre parenthèses, Graveyard Shift. Ok, et ça pour surprenant. Et ça pour toutes les nouvelles. Et en y réfléchissant, ce qui est plutôt pas con, et ce qui devrait être fait en fait à chaque fois d'ailleurs. Oui, non, mais oui, effectivement. Toujours est-il que nous allons spoiler la nouvelle, puis plus tard la série, qui l'adapte. Et je propose qu'on se lance. Eh ben, allons-y. Donc, Celui qui garde le verre, c'est une nouvelle épistolaire qui se passe en 1850. Charles Boone, s'installe avec son domestique dans un manoir familial du Maine, un manoir qui a la réputation a priori d'être hanté et qui est proche du village abandonné Jerusalem's Lot, où Charles va trouver un étrange ouvrage intitulé De Vermis Mysteriis. Il commence à entendre des bruits de plus en plus forts dans les murs du manoir et il pense qu'il y a des rats, tandis que son histoire familiale se dévoile petit à petit. C'est donc une nouvelle qui est publiée dans Danse Macabre, et c'est une des quatre nouvelles inédites de Danse Macabre, avec Desintoxings, Le Dernier Barreau de l'Échelle et Chambre 312. Donc elle n'avait jamais été publiée auparavant, pour le coup. J'avais noté justement que la nouvelle s'appelle Jérusalem's Lot en VO, ce qui soulignait beaucoup plus clairement le fait que c'était lié à Salem, le roman. J'imagine que si en France, au départ, on a choisi un autre titre, c'était peut-être que King n'était pas encore un méga succès, et donc peut-être qu'ils ont voulu éviter un titre qui aurait paru obscur aux gens qui n'auraient pas connu Salem. Je me dis que c'est potentiellement ça qui a entraîné un tel changement de titre, parce que sinon c'était totalement reprenable, Jérusalem's Lot, oui, ou carrément. Même juste Jérusalem. Mais dans toutes les futures éditions, en effet, c'est le titre original qui est repris. Après, moi, j'aime plutôt bien l'ancien titre français, celui qui garde le vert. Je trouve qu'il a un côté très Lovecraftien, ce qui est pertinent étant donné que la nouvelle est clairement influencée par Lovecraft et par pas mal d'auteurs un peu classiques de l'horreur, comme ça aussi. On peut songer un peu à Poe, par exemple. Oui, puis clairement, le terme « clairement » est valable vu que King le dit lui-même. Ah bah oui, bah c'est, on va y revenir. En fait, c'est il y a même un clair hommage à Lovecraft. C'est clairement une nouvelle qu'il a écrite avec en tête faire du Lovecraft. Ouais, ça se place même dans son univers, puisque le livre De Vermis Mysteriis fait partie de l'univers Lovecraftien. Donc en fait, à la base, De Vermis Mysteriis, c'est un livre imaginé par l'auteur Robert Bloch dans sa nouvelle Le Secret de la Tombe, et qu'il reprend ensuite dans une de ses nouvelles vraiment célèbres qui est La Chose Venue des Étoiles. Mais lui, il trouve que le titre anglais, en fait, le fait de lui donner le nommer en latin, c'est une idée de Lovecraft qui correspondait avec Robert Bloch, et notamment il fournit une formule en latin pour la chose venue des étoiles. Et ensuite, Lovecraft va intégrer le De Vermis Mysteriis au mythe de Cthulhu. Ouais. King lui-même réévoque le livre en Revival, qui est une autre histoire pas mal Lovecraftienne de son œuvre. Ah d'accord, je ne l'ai pas lu encore, Revival. Bah, et puis il n'a pas été adapté, donc a priori on n'en parlera pas pour le moment. C'était en rumeur à une époque, mais ça fait une éternité qu'on n'en a pas entendu parler de ça. C'est pas un roman si vieux d'ailleurs, qui a peut-être une petite dizaine d'années, Revival ? Ah, peut-être une quinzaine maintenant, Revival. Ah ouais, déjà ? Le temps passe. Revival, ah non, t'as raison, 2014. Un peu plus de 10, mais un peu plus de 10, pas encore 15. Ouais. Et qui est plutôt un chouette roman, je trouve. Pour rappel, Salem a aussi eu droit à une nouvelle qui lui sert de conclusion, qui s'appelle Un dernier pour la route. Et celle-là aussi, vous la retrouverez notamment dans les éditions complètes de Salem, qui reprennent ces deux nouvelles, et qui sont plutôt jolies. Voilà, ouais. Ou dans Danse Macabre également. Oui. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la présentation de la nouvelle. Nous allons pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Bah écoute, c'est une nouvelle qui se lit vraiment très agréablement, qui est très énigmatique, effectivement. Le côté Lovecraft slash Poe est omniprésent, et quand ce sont des auteurs qu'on a lus et qu'on apprécie, vraiment, on ne peut que penser à eux tout le temps de la lecture. J'aime bien cette ambiance très, très inquiétante, avec une menace très en surface. On ne sait jamais trop l'identifier... Sauf vraiment sur la partie finale où ça commence à plus trop aller pour le personnage principal, pour Charles Boone. Mais ouais, en termes d'écriture, je trouve que ça se tient vraiment. Alors c'est une nouvelle, il me semble que tu ne l'as pas précisé, qui est un échange de courrier. Et enfin, encore un échange de courrier, on ne voit que le courrier écrit par Charles, par le protagoniste de l'intrigue. On voit quelques journaux de son espèce de majordome dont j'ai oublié le nom. Calvin McCann, voilà, que ouais. Je viens de revoir ça. On voit quelques passages donc, de son journal intime à lui, on voit quelques passages d'un ancêtre à Charles également, mais guère plus. Donc c'est vraiment une construction épistolaire, il me semble que c'est le terme employé pour ce genre de roman. Chose que King avait encore jamais trop fait, mis à part un peu pour Carrie, mais encore, Carrie, c'est pas vraiment de l'échange de lettres, c'est plus des journaux... Donc je pense que ça a un autre terme qu'épistolaire. Il me semble. Oui, non, c'est plus que... Épistolaire, c'est vraiment si c'est lettre, effectivement. Voilà, c'est vraiment quand c'est de l'échange de... Échange de lettres, quoi. Donc c'est plutôt intriguant de voir King dans ce genre-là, mais on voit qu'il s'en sort vraiment pour faire monter la tension, alors que, concrètement, tu ne suis que du courrier d'une seule personne, quoi. C'est quand même assez fort, je trouve. Donc voilà, c'est une nouvelle, pour un premier avis rapide, c'est une nouvelle que j'ai vraiment pas mal appréciée. C'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment refait, l'épistolaire, d'ailleurs, Non, c'est par la vrai. suite. Hein. C'est pas une forme à laquelle il s'est beaucoup intéressé. Bah, je pense que clairement, ça joue avec. Enfin, il l'a fait parce qu'il voulait faire du Lovecraft slash Poe et que ces périodes-là, c'était des périodes où les romans épistolaires étaient vraiment assez courants, finalement. Oui, je pense que c'est ça. Même dans l'écriture, au-delà de la forme, même dans l'écriture en général, je trouve que c'est une nouvelle où on sent pas mal un style différent de celui qu'adopte King d'habitude. Il essaie d'avoir une écriture un tout petit peu plus vieillotte, peut-être, dans le langage, etc. Il essaie vraiment de faire un pur pastiche de Lovecraft et des auteurs de cette époque en général. C'est ça. Oui, c'est une nouvelle qui marche bien, effectivement, qui conserve énormément de mystères. Bah, encore une fois, ça va très bien avec tout ce qui est mythe Lovecraftien en général, où comme les gens deviennent fous dès qu'ils s'approchent trop d'une forme de vérité, au final, on n'a jamais trop d'informations. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien géré. Après, du coup, quand on a lu du Poe et du Lovecraft, la progression est tout de même très classique. Oui. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là dans l'enchaînement des événements. Oui, et puis même la montée de la folie du personnage est très fluide, quoi. Oui, Il voilà, n'y a pas de surprise. mais ça fonctionne très bien dans son exercice. Je passe un bon moment à la lire. Je trouve qu'elle installe une bonne ambiance. Bah, et puis surtout, elle n'est pas bien longue, quoi. C'est une cinquantaine de pages, donc fatalement, c'est fluide, mais comment faire autrement, quoi? Oui, c'est ça. C'est quand même, je pense, la plus longue de Danse Macabre, hein, qui est un recueil de nouvelles très courtes, en général. Oui, il y a des chances, oui, effectivement. Mais voilà, j'aime bien cette nouvelle. Bah, en même temps, j'aime bien les auteurs à qui il rend hommage, Oui. qu'il reprend ici. Donc, c'est vrai que ça me parle assez facilement, ce genre de truc. Mais moi aussi, plutôt friand de l'écriture de Lovecraft, et vraiment que de son écriture. Hein. D'un point de vue politique, bon, c'était un homme détestable. Ouais. Voilà. Poe, je sais pas, tiens, comment il se. Sur l'échiquier politique où il se plaçait, Poe, mais il me semble qu'il avait plutôt toujours été un peu discret sur ce sujet-là. Alors, Poe, je crois pas qu'on sache grand-chose sur l'échiquier politique. Après, ce que je sais de sa vie privée, c'est qu'il était marié à sa cousine mineure. Oui, bon, ça, voilà. Ouais, c'est pas Voilà. fou non plus, visiblement. Hein. Et il est pas mort, il a pas été assassiné dans des circonstances assez étranges, Poe, c'est pas lui? C'est pas lui dont on a retrouvé le cadavre dans la rue? Alors, Poe, on ne sait pas s'il a été assassiné, mais il est mort un peu bizarrement, ouais. Il me semble qu'on a retrouvé son Il y a pas cadavre comme mal de ça. mystères qui... Oui, il y a pas mal de mystères qui entourent sa mort, mais on n'est même pas certain qu'il aurait été assassiné, pour le coup. Ouais, ok. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour de ça, mais voilà. D'accord. Mais voilà, effectivement, une très bonne nouvelle. Et vraiment, je trouve que la tension est bien maîtrisée. La montée de la folie est fluide, mais elle est bienvenue. Le fait que le personnage principal se pose de plus en plus de questions, enfin les personnages, parce que même Calvin, son majordome, s'en pose beaucoup aussi. Et même la relation qu'ils entretiennent tous les deux, le fait que Calvin soit assez protecteur envers lui, essaye de tout faire pour qu'il se remette un peu, qu'il arrête de sombrer dans la folie. Il y a tout ça qui est traité en surface, mais qui l'est vraiment bien, je trouve. Oui, ça joue des fois un peu sur la forme épistolaire, avec on sait à un moment par exemple qu'il y a quelque chose qui a été écrit mais qui a été barré, Oui. comme s'il changeait d'avis au dernier moment, ça joue là-dessus. Il y a une lettre qui est inachevée, enfin il y a plusieurs fois ce genre de choses pour souligner l'état psychologique du personnage qui évolue et qui devient de plus en plus mauvais. Oui. Et puis là, toute cette ambiance qui tourne autour du mal qui a pris des quartiers à Jérusalem Lot. Ouais. Parce que autant, voilà, autant dans la série, il n'y a pas de suspense, autant là, même le lien avec le roman Salem est très léger, quoi, je trouve, hein. Les deux Oui. peuvent être abordés sans forcément avoir lu l'un ou l'autre avant, ou Oh après. bah totalement. De toute façon, Jérusalem Slot a été écrit après Salem, donc le roman est indépendant, ça, nettement. Oui. Et comme c'est un préquel, au final, les liens sont effectivement ténus. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une bonne gestion de l'ambiance à l'arrivée à Salem, où au départ il voit un village plutôt mignon, plutôt joli, bien qu'un peu vieillot, et dès qu'il entre dans la ville, c'est comme s'il changeait d'ambiance, Ouais. c'est comme si l'air devenait plus lourd et que tout devenait un peu inquiétant et monstrueux. Oui. Ce qui est très en raccord avec Lovecraft comme idée, mais ça marche bien ce moment-là. Sinon, il y a des trucs qu'on retrouvera dans la série, à savoir l'inquiétude de la ville qui se méfie énormément des Boone, qui leur fait pas du tout confiance, et le fait qu'il y a visiblement une folie familiale. Oui, la folie familiale, les bruits dans les murs, la paranoïa, même des personnages principaux, parce que même des Boone, hein, quant au bruit ambiant et aux inquiétudes et aux inquiétants phénomènes qui se produisent autour d'eux. Ouais. Mais donc il y a une sorte d'enquête qui se met en place petit à petit entre, enfin que Calvin et Charles vont mener. Ouais. Parce qu'ils entendent de plus en plus de bruit dans les murs. Calvin croit entendre des rires. Il trouve une cache étrange avec un papier qui indique, qui parle du verre et qui a un plan justement de Salem. Ouais. Enfin, il y a une progression enquête qui marche plutôt bien, je trouve Oui, aussi. tout à fait. Jusqu'au moment où ils vont trouver des papiers d'un ancêtre de Charles. Ouais, un journal codé au départ, Ouais. mais que Calvin va réussir à décoder. Ça aussi, c'est très Lovecraft. Oui, ou Popo utilisait beaucoup aussi les trucs un peu codés qu'il faut déchiffrer. Le journal de cet ancêtre va montrer que bah, lui aussi, il a perçu des phénomènes étranges chez lui, dans leur demeure. Ouais. Et sauf que lui, il a été bien plus loin dans son enquête, parce qu'il a appris l'existence d'un livre inquiétant et surtout d'une espèce de secte qui serait vouée à une espèce de dieu cosmique, en tout cas une entité cosmique étrange. Ouais, le livre qu'ils ont déjà trouvé en passant à Salem, justement, ils l'ont Oui. touché vite fait, et ça a fait trembler la terre. Enfin, le livre est déjà trouvé, et ils ont déjà. Il y a aussi toute cette scène dont on n'a pas parlé, où ils descendent à la cave, et où ils tombent sur les zombies, on va dire, je Oui. suppose, de deux des ancêtres de la famille, la petite fille Marcella et son père Steven. Il y a une scène assez terrifiante. Ouais. Très très bien écrite. Et donc ils ont complètement muré la cave. Et il y a pas mal ce thème aussi que en soi ils pourraient et ils devraient partir, mais que Charles se sent enchaîné à Chapel White, ce qui là aussi reviendra dans la série d'ailleurs. Il y a quelque chose, oui, qui l'empêche, en fait. C'est comme si sa volonté de comprendre et de savoir, en fait, l'empêchait de fuir. C'est ça, bah ça rejoint la formule qui revient, le sang appelle le sang. Il y a quelque chose qui appelle les Boone à Chapel White et à Jerusalem Lot. Encore une fois, c'est très bah, Cthulhu et l'appel de Cthulhu, quoi, forcément. Oui, totalement, ouais. Les personnages qui sombrent dans la folie et qu'ils savent que leur seul salut, ça serait de fuir, mais non, quelque chose les en empêche. Une force supérieure à eux-mêmes les en empêche, quoi. Oui, et puis une certaine soif de connaissance aussi, je pense. Oui. Même s'ils savent très bien que cette connaissance va les faire sombrer dans la folie. Et ça, Charles le sait, puisque son ancêtre a sombré dans la folie, plus il se rapprochait de Oui. la vérité. Ce qu'il sait aussi d'un de ses ancêtres, de Philippe, c'est que un jour, il a totalement disparu avec l'intégralité de la ville de Jerusalem's Lot. Ouais. Tout le monde s'est volatilisé. Et du coup, là, on arrive vers la fin de la nouvelle. Comme on disait, elle est relativement courte. Charles décide d'aller à Jérusalem's Lot parce qu'il comprend que le salut de sa famille dépend de la destruction du livre, des Vermis Mysteriis. Il a réussi à. Alors on apprend comment le livre est arrivé là. On apprend en fait que à l'époque, son grand-père Robert, en fait, en avait obtenu un exemplaire auprès d'un libraire, mais qui lui avait dit me recontactez plus jamais maintenant que je vous ai trouvé ce livre. Oui. Il y a une connaissance du fait que c'est un livre maléfique qui existe qu'en quelques exemplaires. Et donc là, le but, c'est de détruire celui qui se trouve à Jérusalem's Lot, ce qui mène au final apocalyptique dans l'église désacralisée, Oui. où il y a un aperçu du ver, du fameux dieu ancien. Qui est limite indescriptible. Oui, bah là encore une fois, ça rejoint une écriture très Lovecraftienne. En fait, on Oui, n'a qu'un tout petit bout de la créature qui est vue. où en fait les entités cosmiques sont tellement horribles qu'elles deviennent indescriptibles, ou que tout du moins les décrire te ferait sombrer dans la folie. Oui. C'était beaucoup ça, Lovecraft, hein, quand il parle de Cthulhu, Et encore Cthulhu est peut-être l'entité qu'il décrit le plus. Oui, vu qu'on la voit peut-être plus souvent. Mais t'as certaines entités où, oui, clairement, c'est dit que elles sont indescriptibles parce que le simple fait de comprendre comment elles sont faites te ferait sombrer dans la folie. Et qu'on ne les voit jamais entièrement, en plus, qu'elles sont tellement colossales qu'on ne les voit jamais entièrement. Donc ce final marche bien. Alors, Calvin, le domestique, meurt. Oui. Il n'était pas accompagné de Hobbes pour le défendre. Hein, c'est... du coup, voilà. Ah, il faut toujours avoir un tigre en peluche avec soi. Parce que... Bah, c'est ça, c'est utile. C'est important. Lisez Calvin et Hobbes. Oui. C'était juste le message subliminal. Du coup, Charles arrive à mettre le feu au livre. Mm. Mais il comprend que, en fait, la malédiction ne disparaîtra vraiment que si tous les Boons disparaissent. Oui, voilà. Or, comme il est persuadé d'être le dernier des Boons, il va se suicider. Mm. Mais il y a une dernière lettre qui, là, encore une fois, recoupe pas mal avec ce qui pouvait apparaître dans Lovecraft, où les malédictions ne disparaissent jamais vraiment, qui date d'un siècle plus tard, en 1971, avec un nouveau Boon qui emménage à Chapelwaite avec l'idée qu'il y avait une branche qui s'était créée et qui était méconnue de tous, comme ça peut souvent arriver dans les grands clans familiaux. Oui, tu sais, t'as un oncle qui part quelque part et ça crée tout un bordel avec des ancêtres partout. Et donc, il y a Chapelwaite qui renaît en 1971. Et du coup, 1971, c'est pas très longtemps avant Salem. Donc, est-ce qu'il faut voir là un lien avec le mal qui envahit Salem quelques années plus tard ? Bah, sans doute. Mais c'est vrai que c'est pas clair. Après, je pense que ça fait partie volontairement... Enfin, c'est volontaire que ce soit pas clair. Ah oui, totalement, oui. Mais donc voilà, c'est une nouvelle très sympathique où vous trouverez un style différent du King habituel qui vous plaira peut-être plus si vous aimez, comme on disait, les œuvres de Lovecraft et des auteurs horrifiques de la fin du 19e, on va dire. Oui, c'est ça. Mais vous passerez un bon moment en la lisant, même si vous n'aurez pas de surprise majeure en soi. C'est ça. T'as des choses à ajouter sur la nouvelle ? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Très bien, nous allons donc passer à son adaptation. Captain. Dear cousin Charles, by the time you receive this letter, I shall be in my final resting place. I bequeath you a magnificent ancestral home we call Chapelwaite. What do you think? I hardly know what to say myself. I hear you're looking for a governess. We are. Your family has a reputation. Your children, are they Christian? Some blame Chapelwaite for the illness in town. The Boons are surrounded by misfortune. Father, are we safe here? Once the people see that there's nothing to fear, this animosity will diminish. Unless there is something to fear. I see things. Things that aren't real. Your feelings for it. Your feelings for all of them. Bad things are coming. All that you believe is madness. That is my curse. Only I can save you. There's something inside that you hide from us. It scares me. Alors, je vais refaire vite fait l'histoire parce qu'il y a quand même des changements dus au fait qu'il y a un format beaucoup plus long. Dans Chapelwaite, Charles Boone est un capitaine de baleiniers qui, suite au décès de sa femme, revient à Chapelwaite avec ses trois enfants, Connor, Loa et Tane. Et malgré l'antagonisme de la ville de Preacher's Corner à côté, il s'installe avec l'ambition de redévelopper l'industrie locale. Il engage comme gouvernante Rebecca, une romancière qui voit dans les Boons une bonne source d'inspiration pour un futur roman. Mais il commence à entendre des bruits étranges dans les murs et à avoir des visions avec des vers, et il s'inquiète que la folie familiale qui avait gagné son père ne soit en train de l'atteindre à son tour. La série est annoncée en décembre 2018 avec en showrunner Jason et Peter Filardi et à la production Donald Deline pour sa société, pour la société à son nom, et c'est produit aussi par Epix Productions. donc lié à la chaîne Epix, mais c'était la première production originale de la chaîne. Au départ, le président d'Epix, Michael Wright, parlait de faire une série d'horreur gothique, et c'est Donald Deline, quand il est contacté, qui a l'idée de chercher dans les œuvres de King s'il y a des choses disponibles. Alors Epix, pour en reparler, c'est une chaîne payante et un service de streaming originellement détenu par la MGM, Lionsgate et la Paramount, mais qui, à l'époque qui nous intéresse, n'est plus qu'à la MGM, qui a racheté la part des autres. Ouais. Maintenant, ça s'appelle MGM+. C'est plus ou moins l'équivalent de MGM+. D'accord. Peter Filardi, on en a déjà parlé, il était scénariste de l'adaptation de Salem, justement, par Michael Salomon, donc celle de 2004. Il tourne qu'autour de ce roman-là, quoi. Alors, pas que, on va y revenir. Alors, à noter quand même que le directeur des programmes sur la TNT, où était diffusée cette adaptation de Salem à l'époque, c'était Michael Wright, qui donc, au moment de la production de Chapelwhite, était le président d'Epix. Okay. Peter Filardi, c'est aussi le scénariste de Quand l'autovirus met cap au nord, l'adaptation dans Rêve et cauchemar. Ok. Voilà. Ici, il travaille avec son frère, Jason Filardi. Lui, on n'en a pas encore parlé, pour le coup. C'est le scénariste, par exemple, de 17 ans encore. Alors, à noter qu'il n'a pas de page wiki anglaise ni française, mais qu'il a une page wiki en allemand, donc peut-être qu'il doit se délocaliser pour profiter de sa stardom dans ce pays. Incroyable. Et malgré leur lien familial, c'est en fait assez rare que les deux frères Filardi travaillent ensemble. Au départ, ils avaient été contactés par Epix quand le projet était encore flou avec... eux, on leur proposait un projet de western horrifique. Ils avaient commencé à travailler là-dessus, mais c'est Michael Wright qui les met finalement sur Jerusalem's Lot quand les droits sont achetés. Okay. De ce que dit Jason Filardi, ils n'ont pas été en contact direct avec King, même s'il avait un droit de regard sur qui seraient les showrunners du projet et sur le pilote. En scénariste, ils font, eux deux, 5 des 10 épisodes de la série. Les autres sont faits pour 3 par Scott Cossard, scénariste du Massacre à la tronçonneuse de 2003, de The Machinist ou du Amityville de 2005, et qui est aussi actif comme producteur sur des séries comme Bates Motel ou The Haunting of Hill House. D'accord. Les deux derniers épisodes sont scénarisés par Declan Debarra, un Irlandais qui a eu une carrière musicale assez vivace dans les années 90 en Australie, et qui improbablement se retrouve en duo avec Mady Ross sur une chanson du film LOL en 2009. Ah oui, quand même, c'est improbable. En tant que scénariste, il a pas mal bossé sur The Originals comme série, et il est l'un des créateurs et showrunners de la série The Witcher Blood Origin, qui est visiblement très mauvaise. Et il a aussi réalisé des courts-métrages en animation, bref, il est un peu touche-à-tout. Mm. Les réalisateurs, il y a 5 réals qui s'occupent chacun de 2 épisodes. Il y a Burt Steers pour les 2 premiers, qui commence sa carrière au cinéma en tant qu'acteur avant de s'orienter bien plus nettement vers la réal, et outre des épisodes par-ci par-là pour plusieurs séries, il est le réalisateur de 17 ans encore, justement, donc c'est là qu'il a dû connaître un des frères Filardi. Et il est aussi réalisateur de Orgueil, Préjugés et Zombies. D'accord. Les 2 suivants sont réalisés par Jeff Renfro, réalisateur de The Colony et d'une poignée d'autres films, mais qui a surtout une carrière télévisuelle avec des épisodes sur pas mal de séries, dont Les Mystères de Londres, une série dont les protagonistes sont Houdini et Conan Doyle, où il a aussi œuvré sur la série de Chucky, récente. Il a aussi participé, je le mentionne, à la série The Hardy Boys. Ça me fait toujours rire parce que, en fait, je suis un enfant de ma génération et moi, The Hardy Boys, ça m'évoque tout de suite leur parodie dans South Park, parce qu'en France, ça nous est pas du tout arrivé. À part cette parodie dans South Park, je sais pas si tu te rappelles, c'est les 2 enquêteurs qui suivent leurs très gros indices, là. Ah oui. Voilà. Moi, ça me fait rire. Et on le retrouvera sur The Institute, dont il a réalisé certains épisodes. Ok. Les 2 suivants sont réalisés par Rachel Letterman, qui travaille sur des séries comme réalisatrice de première ou seconde équipe. En tant que seconde équipe, elle est active depuis une 40aine d'années. En réalisatrice, vraiment, c'est un peu plus récent. On peut citer Heartland ou plus récemment Billy the Kid. David Fraze réalise les épisodes 7 et 8. Même idée, il est réalisateur sur des séries depuis une 30aine d'années, mais aussi directeur photo. Par exemple, il est directeur photo de la seconde équipe d'Air Bud. C'est pas de la merde, hein. Il a laissé sa trace dans la pop culture quand même. Ah, oui, quand même. Ouais, que veux-tu. Il est directeur photo de la majorité des épisodes de la série Coroner Da Vinci, ou Da Vinci's Inquest, en titre original, et réalisateur de plusieurs d'entre eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Un procédural. Ok. Voilà. Et sinon, on peut mentionner qu'il a travaillé aussi sur Ash vs Evil Dead, Van Helsing ou Orphan Black. C'est pas mal, Ash vs Evil Dead. J'avais bien aimé. Il paraît, ouais. Faut que je voie le nouveau Sam Raimi, d'ailleurs. Oui, toujours pas vu. Bah, de toute façon, il passe pas chez nous, donc... Oui. On aura le trouver autrement, mais oui. Alors, attendre le tonton d'Amérique. J'ai de plus en plus de retours, y compris de gens qui ont bien aimé, disant que c'est quand même méga de droite. Hein, mais bon. Ah bon ? Ouais. Ah merde. Et les deux derniers épisodes sont réalisés par Michael Nankin, qui lui aussi a pas mal de casquettes, puisque quand il débute sa carrière dans les années 70, il est d'abord scénariste, et sur plusieurs séries, il va travailler à la fois comme producteur, réalisateur et scénariste, par exemple sur Chicago Hope ou Corky, un adolescent pas comme les autres, dans les années 90. Il est aussi showrunner de la série Flipper le Dauphin, à la même époque. Eh bé. Et écoute, je sais pas combien de dauphins ont été torturés sur cette série, mais ça doit être bien. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il est plutôt actif comme réel et producteur. Il scénarise quasiment plus, à part qu'il a été créateur de la série The Protector vers 2010. En tant que réalisateur-producteur, il a bossé quand même sur Battlestar Galactica ou sur la série Van Helsing. Donc, une équipe habituée à la télévision, de professionnels, voilà. On va en dire ça. Ils font le taf. Casting, ouais. Charles Boone est interprété par Adrian Brody. Ah, lui, il fait le taf. Ouais, lui, il fait le taf. Vers son début de carrière, on va dire... En fait, ça faisait une dizaine d'années qu'il était actif, mais pas encore dans d'énormes rôles. Mais dans ses premiers rôles, j'aime énormément le personnage qu'il a dans Summer of Sam, par exemple. Oui. Où il joue le musicien qui se fait accuser de tous les maux parce qu'il vit un peu en dilettante, etc. Ouais. Mais globalement, regardez Summer of Sam, c'est un excellent film de Spike Lee. Il est très bon chez Wes Anderson, hein, qui est devenu l'un de ses réalisateurs fétiches. C'est ça. Et le premier Wes Anderson dans lequel il tourne, c'est celui où il a le plus gros rôle au final, c'est à bord du Darjeeling Limited, où il joue un des trois frangins, et c'est un très très bon film. Bah, sache que c'est l'un des rares Anderson que je n'ai toujours pas vu. Je pense qu'il plairait, il est vraiment très cool. En même temps, j'aime tous les Anderson pour l'instant. Le rôle qu'il a révélé, Adrian Brody, vraiment, bon, bah, c'est un film de Polanski, hein, c'est pianiste. Le pianiste, bah... Voilà, après, ça... Bon, bah, c'est chiant parce que c'est un connard fini, mais bah, c'est quand même un bon film, quoi. Oui, c'est ça, et Adrian Brody est effectivement très bon dedans. On peut mentionner aussi qu'il est dans Le Village, où il est plutôt chouette. Ouais. Et dans Splice de Vincenzo Natali, un réalisateur dont on a déjà parlé, donc on avait dit qu'on aimait beaucoup ce film-là. Oui. Ah, il a quand même aussi le rôle principal dans le King Kong de Peter Jackson. Effectivement, ouais. Aussi. Et il est aussi dans le remake de Predator, mais ça, c'était pas bien. C'était même pas un remake, hein, c'était une suite, je crois. Ouais, oui, enfin, c'est tellement une reprise du premier que ça fait quand même très remake. Hein. Le Predators avec un S. Je crois que c'est ça, ouais, c'est celui qui porte ce titre-là. Ouais, mais... Oui, il est très très nul. Ouais, je me rappelle, moi, je l'avais enchaîné avec Splice au ciné avec un pote. On était allé voir Splice et ça d'affilée. Donc, double séance d'Adrian Brody, mais dans deux, niveau qualitatif, ça avait changé. Hein. Ah oui, la chute mortelle, quoi. Ouais. Moi, il est dans le... Alors, apparemment, il est très mauvais. Pas lui, le film. Le Giallo de Dario Argento. Mais bon, ça me rend curieux, quoi, du coup. C'est vraiment nul. Je l'ai vu, pour le coup, et c'est pas bien. Ah, mais ça me rend curieux de le voir... Ouais. Dans du Argento. Oui, par curiosité, tu peux le regarder, mais ouais. Par curiosité morbide. Mais quoi qu'il en soit, c'est un acteur qu'on aime, toi et moi, beaucoup. Ah oui, c'est un très bon acteur, qui a gagné deux fois l'Oscar du meilleur acteur, une fois pour Le Pianiste, et l'année dernière pour The Brutalist, que je n'ai pas vu. Moi non plus, que je n'ai toujours pas vu. Rebecca Morgan, la romancière, est interprétée par Emily Hampshire, qui commence sa carrière ado à la télévision, où elle est vite pas mal active, même si au départ, surtout dans des rôles secondaires, et peu à peu, elle va accéder à des rôles plus importants. Dans une série en voie... dans une série d'animation qui s'appelle Ruby Gloom, ou dans la série 12 Monkeys, donc liée à l'armée des 12 singes, ou dans The Rig. Elle joue quand même de temps en temps au cinéma, même si surtout dans les films que je n'ai pas vus et surtout dans des petits rôles, mais on peut mentionner qu'elle est dans Cosmopolis, dans un petit rôle de Cronenberg, ou plus récemment dans un rôle plus important dans Humanité de Caitlin Cronenberg, donc la fille. Oui. Et je crois que le film a plutôt bonne réputation pour le coup. Pas vu. Elle est dans Mother de Aronofsky. Ouais, que je n'ai pas vu. Moi non plus. Les enfants Boone, il y en a trois. L'aîné Honor est interprété par Jennifer Hens, qui n'a pas joué dans beaucoup de choses pour le moment. En fait, Chapelwaite, c'était son premier rôle. On peut mentionner un truc appelé All My Friends Are Dead, qui est mal noté, mais c'est par le réalisateur de The Collector et The Collection, Marcus Dunstan. Ah, et c'était des films plutôt pas mal. Bah oui, voilà. Donc ça me rend un peu curieux quand même. Et elle est aussi dans la série Ransom Canyon. La fille du milieu, Loa Boon, est interprétée par Sirena Goulamgos, qui joue depuis toute petite. Elle avait déjà joué dans quelques épisodes d'Orphan Black, par exemple. Elle est dans la série canadienne Dr. Bash. Le film Code 8 Part 2. Le titre me fait marrer. La vache. Ils sont sur Netflix, ce film-là. Ouais, c'est super. Et voilà, elle aussi, elle est dans Humanité de Kathleen Cronenberg. Mais tout le monde est dans Humanité de Kathleen Cronenberg. Même nous, nous y sommes. Tu me sais, ah bah ça fait du monde, hein, l'humanité. Hein. Et le plus jeune enfant, le fils Thane Boone, est interprété par Yan Ho, qui, très jeune, avait joué dans L'ombre d'Emily. Il est dans un court-métrage Dollar Baby adapté de Willa. Alors, il est mentionné comme étant un passager du bus, donc ça doit pas être un gros rôle. Effectivement, oui. Mais je l'ai trouvé, et comme on a aussi une adaptation en long-métrage de Willa, je me dis peut-être à l'occasion, on pourra parler de ça aussi. Oui. Il est très actif dans des séries, beaucoup, j'ai l'impression, dans des rôles de doublage, entre autres, mais voilà, pas que. Ok. Le maire de Preacher's Corner, Denison, est interprété par Hugh Thompson, un acteur pas mal actif au théâtre. C'est le plus gros de sa carrière, même si en réalité, on le voit pas mal dans des seconds rôles à la télé. On peut mentionner Forgive Me, une série sur les confessionnaux, ou Reacher, la série Jack Reacher. Voilà. D'accord. Le pasteur... Ouais, n'est-ce pas un... Le pasteur est interprété par Gord Rand, un acteur récurrent dans la saison 4 d'Orphan Black. Il y a aussi du monde qui a joué dans Orphan Black. Ouais. Mais aussi dans Man Running, un film qui a l'air intéressant dans son concept. Alors, aucun rapport avec Running Man. C'est sur un oncologue qui court un marathon en réfléchissant à un cas de suicide assisté. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais visiblement, c'est plutôt bien. D'accord. Le pitch est intriguant. Ouais. Et lui aussi est acteur au théâtre, ainsi qu'auteur de pièces de théâtre. Ok. Abel Stewart, qui va servir plus ou moins de majordome, on va dire, et à Charles, il est interprété par Devante Senior, encore en début de carrière, et qui visiblement est aussi danseur. Son CV n'est pas encore énorme, j'ai juste vu passer un petit rôle dans la série Heated Rivalry l'année dernière, et j'ai noté ça juste parce que j'ai entendu dire énormément de bien de la série, mais voilà, okay. Il n'a pas fait grand-chose. La servante récurrente des vampires, qui n'a pas de nom, qui est mentionnée sous le nom Apple Girl, en fait, au générique à chaque fois, elle est interprétée par Geneviève Desgraves. La blonde ? Ouais, c'est ça. Qui joue des rôles secondaires dans plusieurs séries, entre autres des séries horrifiques comme Hell Motel ou Slasher. Et enfin, j'ai noté Jacob, qui est le chef des vampires, et qui est interprété par Christopher Erendal, qui apparaissait déjà dans un épisode de Kingdom Hospital, mais je ne l'avais pas mentionné parce que c'est un des patients, en fait, dans un des épisodes uniques. Il joue déjà un chef de vampire, Marcus, dans les films Twilight. Waouh. Bon. Ok. Et sinon, il a des rôles importants dans des séries comme Hell on Wheels, L'Enfer de l'Ouest, Van Helsing, Sanctuary, et un rôle secondaire dans Damnation ou Stargate Atlantis. Waouh. Donc quand même une carrière très active, hein, on peut pas retirer ça. Il y a deux directeurs photos sur la série, Miroslav Bazrak et David Green. Miroslav Bazrak, maintenant, travaille presque uniquement sur des séries. Il est sur The Strain, par exemple, mais au début des années 2000, donc une dizaine d'années après le début de sa carrière, il avait travaillé sur quelques films, dont Le Territoire des Morts, de Romero, et Pontypool. Ah ! On en vient souvent à Pontypool, quand même. Oui, on y revient souvent à ce film-là, bizarrement, alors que c'est plutôt un petit film. Quand même, oui, mais bon. On y revient régulièrement. Peut-être parce qu'on parle régulièrement d'équipe canadienne, en réalité. Là, on est sur une équipe majoritairement canadienne, en fait. Un petit film en termes de production et aux yeux du public, mais un grand film qualitatif. Oui, effectivement. C'est beau. Et en réalité, on a déjà parlé d'un film sur lequel Bazrak a travaillé, parce qu'il est en directeur photo de la seconde équipe sur Le Carrie de Kimberly Pierce. Voilà. Ah bah des bons films, tiens. Ouais. L'autre directeur photo, David Green, qui est à ne pas confondre avec le réalisateur éponyme, celui qui a fait les Tortues Ninja 2, produit par Michael Bay. Ouais. Lui, il est actif depuis une trentaine d'années comme directeur photo, mais j'ai pas noté grand-chose. Alors, il est aussi sur la série 12 Monkeys, ainsi que sur Lost Girl ou Impulse, voilà. Le production designer, je l'ai noté, c'est Matt Linkley, parce qu'il a fait quand même un joli travail. On le retrouvera sur l'Institut. Et à la direction artistique, il était sur la série The Mist, déjà, ainsi que sur The Lighthouse de Eggert. Ah. Et là, on peut partir avec les décors sont beaux. Hein. Oui. On parlera de la manière dont ils sont filmés, mais les décors sont beaux. Au départ, le tournage devait débuter en mai 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. L'horizon originel, c'était une diffusion en fin d'année, mais ça va être décalé à cause du Covid et des confinements. Donc la production est finalement lancée le 5 juillet 2020 avec un tournage qui se termine le 18 décembre. Un tournage forcément ralenti du fait des protocoles sanitaires autour du Covid qui rendent compliqué de tourner aussi vite qu'avant pendant un temps. Oui, bah, on pouvait plus rien faire à cette époque-là. Ouais. C'est la dictature. La dictature des masques, de la bien-pensance et des vaccins, ouais. Bah, la dictature de la bien-pensance, c'est toujours, voyons, ils savent. Oui, voilà, ça n'a pas disparu, évidemment. Ah, en interview dans les... Quelle bande de cons, putain. Pardon. En interview dans les anecdotes de tournage, j'en ai pas trouvé grand-chose, mais Adrien Brody précise que les verres étaient réels dans plusieurs scènes. Dans la scène où il se baigne dans une baignoire remplie, par exemple, ou ah ouais dans le moment où il retire les verres de son nez. Ah, pardon. Ouais, n'est-ce pas, hein. Ah la vache. Ah oui, quand même. Bah, c'est un métier, hein, acteur. Oui. Au sujet de la représentation des vampires, Peter Filardi indique que lui et son frère voulaient s'éloigner de l'image contemporaine du vampire glamour et revenir à une apparence plus monstrueuse, plus cohérente avec ce qu'il était dans les descriptions d'origine. Et Charles est capitaine de baleinier dans la série parce que les frères Filardi étaient passionnés de l'histoire de la chasse à la baleine, visiblement. Bon, bah, chacun ses kinks, hein. Oui, et puis bon, c'est pas parce que t'es passionné en un truc que tu dois le foutre dans une adaptation. Oui, voilà, c'est ça. Surtout quand ça n'a rien à foutre, là. Sinon, moi, Charles Boone se serait retrouvé fan de Patrick Sébastien, ça n'aurait rimé à rien. Hein. En train de regarder des épisodes de Snoopy. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil qui diffuse des images? La BO est de Mark Corven, un compositeur canadien actif depuis longtemps. Il fait des BO depuis 1987. C'est pas un compositeur dont je suis super fan, même s'il a parfois des textures sonores intéressantes, je trouve que l'ensemble est souvent peu passionnant en dehors des films. Mais on peut citer tout de même qu'il a collaboré deux fois avec Robert Eggert sur The Witch et The Lighthouse, et qu'il a fait aussi les BO de films comme Cube, Black Phone ou Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ok. Sur Chapel Wait, là, je trouve sa BO faible, même dans le film, je trouve, dans la série, pardon. Je trouve qu'elle gâche certains passages, dont le générique d'ailleurs, c'est mou, ça décolle jamais, ouais. Ça crée pas vraiment d'ambiance, et du coup les longues scènes qui installent une tension deviennent vite chiantes, je trouve, en partie à cause de la musique. C'est con parce que visuellement, en fait, le générique est très réussi. Oui, et lui aussi on le retrouvera sur l'Institut. Ah, bah, c'est super. La série est diffusée du 22 août au 31 octobre 2021, sur Epix donc. En France, elle est disponible à partir du 27 octobre sur Amazon Prime. La réception critique est mitigée à la sortie. La lenteur de la série lui est par exemple reprochée, même si on dit qu'il y a une ambiance d'ensemble, on dit que ça se dilue trop dans trop d'épisodes. L'accueil public est meilleur, par contre. Actuellement, sur Rotten Tomatoes, elle a 58% de fraîcheur, mais son score public est bien plus élevé à 80%. Et donc, comme on prend en compte le score de fraîcheur, ça la place tout de même 32e de notre classement. C'est pas si mal. Ouais. Et sur Allociné, elle a 3,8 étoiles, ce qui la place 8e à égalité avec la première saison de Monsieur Mercedes, et devant le carry de Brian De Palma, Dead Zone et Christine. Voilà. Originellement, ça avait été envisagé comme une mini-série, mais comme ça marche pas trop mal, une deuxième saison est annoncée en février 2022. Mais un an et demi plus tard, en novembre 2023, il est annoncé que cette suite n'aura pas lieu. C'est annoncé par un des Filardi sur les réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte que c'était une idée de merde. Ouais, peut-être. Et on peut supposer aussi qu'entre-temps, il y a eu pas mal de restructurations, puisqu'Epix, c'est devenu donc MGM+. Et la MGM, comme on le sait, a été rachetée par Amazon peu après la diffusion de la série, en réalité. Et on peut supposer que les projets de saison 2 ont en fait été victimes de la restructuration qui a suivi ce rachat. Oui, c'est fort possible qu'Amazon a dit non mais... oubliez. Ouais, il y a pas mal de trucs hein, qui sont passés à la trappe à ce moment-là. Je pense que c'est un peu l'histoire derrière tout ça. Ah, puis Amazon, ils se sont dit, attendez, donc il faut faire le choix. Soit on fait des films James Bond, soit on fait la suite de Chapel Wait. Bon, le choix est vite fait. Hein. Les gars, oui. Au revoir. Mais bon, ils ont toujours rien fait autour de James Bond, donc... Bon. Oui, bah tant mieux. Ils sont pas... Moi, je suis pas pressé. Ouais, c'est vrai que ça... J'ai un peu l'inquiétude de ce que ça va devenir. Non, en vrai, je pense que le premier film qu'ils feront sera vraiment très très bien. Ils vont tout faire pour que ça soit bien. Oui, pour attirer le public. Pour attirer le public, pour pas se mettre à dos les fans. Et après, à mon avis, ça risque d'être la dégringolade. Mais je pense vraiment que le premier film sera ultra qualitatif. Ouais, bah faudra en profiter, quoi. Mais putain, mais par contre, j'attends. Décidez-vous, quoi, pour un acteur, bordel. Bah, c'est vrai qu'il serait temps de l'annoncer. Bah, je sais pas s'ils ont déjà fait le choix et que juste ils en parlent pas ou s'il y a toujours pas de choix. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps qui est passé depuis le dernier film. Au bout d'un moment, ils vont annoncer le mec la veille de la sortie du film, quoi. Ah, après, comme on l'avait entendu, il y a pas mal de troubles en coulisses où ils se posent des questions bizarres sur comment on repart après la mort de Bond dans le précédent film. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se poser des questions que personne ne devrait se poser. Mais bon, si ça les amuse. On s'en fout, quoi, complètement. Mais bon, bref. C'est mon cousin Steven. Je le reconnais. Et la petite fille, c'est qui ? Ça doit être Marcella, la fille de Steven. La maison ne devrait pas être à elle ? Elle n'est plus de ce monde. Et lui, c'est le père de Steven, l'oncle Philippe. Oh, c'était un homme très sévère. Ils nous ont rendu visite une fois dans le Massachusetts. Ils étaient fortunés, influents. Steven était très gentil avec moi. Quand ils nous ont quittés, j'ai eu envie de partir avec eux. Comment ont-ils fait fortune ? Mon arrière-grand-père, James, avait des mines de cuivre dans les collines des alentours. Ma grand-mère, Silence, a pris sa suite en exploitant du bois. Comment ça se fait que vous ne parlez jamais de votre père ? C'était quelqu'un d'assez spécial, mon père. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Venez, allons explorer le reste de la maison, voulez-vous ? Donc voilà, sur la production de la série, etc., nous allons pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Et bah, Chapelwhite, sur toutes les séries qu'on a abordées, ça va être clairement le haut du panier. Mais ça souffre globalement de la majorité des problèmes des séries télé modernes, quoi. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Ça devrait être condensé en 5 épisodes et finalement ça tient sur 10. Ou alors, plutôt que de faire 10 épisodes de 1 heure, réduisez. En fait, vous êtes pas obligés de faire des épisodes d'une heure, quoi. Vous pouvez faire des épisodes de 40 minutes, ça suffit largement pour ce que vous avez raconté. Après, il y en a qui durent 40 minutes une fois retiré les génériques et le résumé des épisodes précédents. Hein, mais pas tant sur Chapelwhite. Oui, il y en a des longs, oui. Voilà, il y en a quand même 3-4 qui font au-delà de 50 minutes, quoi. Déjà le premier fait. Bon, à la rigueur, que ton premier épisode de série fasse une heure, je le comprends. Ça, Le dernier, je veux bien comprendre aussi. Voilà, parce qu'il faut installer, ou il faut conclure pour le dernier, voilà, ça je comprends. Mais vraiment, t'as des passages avec des séquences qui s'éternisent, quoi. T'as aussi le problème habituel de beaucoup de séries télé, t'as une réalisation ultra plate, hein, parce qu'il faut pas perdre le spectateur. Également, on t'explique... Et encore, les explications à outrance, dans celle-là, ça va, je trouve. Dans Chapelwhite, c'est pas constant à chaque fois. Mais quand même, c'est trop surexpliqué. Mais ça, encore une fois, malheureusement, c'est l'époque qui veut ça, parce que aujourd'hui, il faut le dire, les séries télé sont consommées en mode je fais autre chose à côté, et donc il faut quand même réexpliquer à chaque fois au spectateur. Mais donc, quand tu regardes ça de manière calme et où tu t'impliques, du coup, t'es biaisé, parce qu'on te prend concrètement pour un con toutes les 3 minutes, quoi. C'est affolant. Et encore, Chapelwhite, moins que certaines qu'on a déjà abordées. Oui, je suis d'accord. Du coup, je vais être globalement d'accord avec toi, sauf que je pense que c'est des défauts qui me frustrent plus que toi. Il y a des bonnes choses. La réalisation très plate, effectivement, c'est vite un peu agaçant parce que on se rend compte qu'il y a des séquences qui pourraient être bien, bien mieux, en fait, si elles étaient mieux filmées. Mais ce qui joue, je pense, c'est à la fois ne pas perdre le spectateur et à la fois que, comme il y a 5 réals différents qui travaillent sur la série, il faut qu'il y ait un style commun. Oui, voilà. Et donc, il faut que ce soit anonyme pour que tout le monde puisse faire à peu près la même chose. Et donc, le style commun, ça veut dire tu fais une scène en posant ton trépied, ta caméra, et voilà, et rien qui bouge. C'est ça. Sinon, c'est plutôt bien joué, ça, on va partir. Adrien Brody est très bien, et je trouve que le reste du cast est globalement solide. Donc, oui, clairement. Aucun souci. Ils jouent tous plutôt bien. Le problème, c'est ce qu'ils ont à jouer pour certains. Mais ouais. Globalement, ils jouent tous plutôt bien. L'excès d'explications, je trouve qu'il y en a. Alors, à la limite, sur le mystère des Boone et compagnie, ça, je te rejoins, c'est pas la pire qu'on ait vue. Mais par contre, les personnages ont tendance à vraiment surexpliquer leur état d'esprit. Tu sais, vraiment, à chaque fois, « Oh, je suis triste !» Et ils vont te faire 3 minutes sur pourquoi ils sont tristes, oui. Sur pourquoi ils sont troublés, comment j'ai rencontré ma femme, comment j'ai rencontré mon chien, etc. et tout. Au bout d'un an, j'en peux plus, moi, de ça, qu'on me laisse rien imaginer. Et j'ai un problème, mais encore une fois, c'est un truc des séries actuelles, mais j'ai un problème avec la manière de raconter l'histoire, où quand on suit plusieurs groupes différents, au final, je trouve que la tension ne prend jamais vraiment, parce que toutes les 2-3 minutes, on est obligé de changer de groupe, et donc il n'y a pas vraiment de hausse de tension, on a l'impression d'un truc un peu égal tout du long, où on suit les différents groupes qui font des trucs et des machins, et il y en a des moins intéressants que d'autres, il y a des personnages dont j'avais jamais rien à faire. Et oui. Et finalement, les épisodes qui marchent le mieux, ce sont ceux qui sont plus concentrés au niveau de l'intrigue. Il y en a notamment un qui se passe intégralement dans la maison, autour d'une action unique, quasiment. Et celui-là marche beaucoup mieux que les autres, je trouve. Mais voilà, globalement, la photo, dans les scènes de nuit, il y a un peu des couleurs. Alors, c'est très banal, mais il y a un peu le bleu et le jaune des lumières. Il y a un truc. Dans les scènes de jour, c'est quand même très, très grisâtre. C'est juste une photo désaturée et c'est pas très intéressant. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment de nuit où il y a un vrai travail sur la photo. De nuit où les éclairages d'intérieur à la bougie, il y a toute une scène vers la milieu, fin de série, où t'as Charles et Jacob qui se rencontrent. Et donc, bah, c'est dans la chapelle, et donc c'est éclairé à la bougie, et je trouve que la séquence rend bien, visuellement. Et j'anticipe un peu la vie future, mais je trouve que le dernier épisode, il y a plein de trucs qui ne marchent pas dans la manière dont se rejoignent les intrigues, dont se rejoignent et se concluent les intrigues. Enfin, je trouve que ça... le soufflet retombe pas mal sur la fin, je trouve. Et puis le dernier épisode se traîne, oh là là. Ouais. Parce que déjà, le dernier épisode, vraiment, la conclusion, donc l'affrontement final... se déroule sur les 30 premières minutes de l'épisode et après il te reste une heure de conclusion, d'intrigue, de sous-intrigue de personnages, ça se traîne, oh là là. Mais donc pour revenir un peu plus progressivement, le début marche pas mal d'ouvrir d'abord sur Charles enfant qui voit la folie de son père qui tente de le tuer et qui se fait abattre par la mère. Je trouve que ça marche pas mal comme ouverture. La séquence d'ouverture fonctionne bien, ouais. Et le fait d'enchaîner aussi sur, quelques années plus tard, la mort de son épouse, quand il lance le corps à la mer, je trouve que ça marche bien comme début pour poser un personnage rapidement, nous faire comprendre pourquoi il va rentrer au port pour ses enfants. C'est plutôt une bonne ouverture, tu vois. Oui, personnage qui est vraiment marqué par la vie, quoi. Ouais. Et donc, comme on disait, il a 3 enfants, Honor, Loa et Tade. Alors, dès le début de la série, on t'envoie le message de « Bon, c'est une adaptation, mais quand même. » On va faire très différent. Ils ont 10 épisodes à tenir avec 50 pages. Il va falloir rajouter des trucs. Après, ça, c'est un problème des producteurs aussi. Les mecs, ils achètent des droits pour des nouvelles qui font 40 pages et ils te font des séries de 10 épisodes. Les mecs, dosez un peu, quoi. Je suis assez d'accord. Bah, calmez-vous. C'est pas comme si King avait pas des romans qui duraient sur des milliers de pages, quoi. Bah, c'est ça, mais bon, je sais pas. Ils avaient envie de prendre un truc pas encore adapté. À la limite, à ce niveau-là, c'est louable, mais oui, il fallait pas faire un truc aussi long. Voilà. L'arrivée à Chapelwaite, là, pour le coup, va rejoindre pas mal la nouvelle, vu qu'on va en retrouver plusieurs éléments. On va retrouver la gouvernante qui dit que la maison n'a jamais rendu personne heureux. On apprend un peu que le cousin Steven s'est suicidé. Suite à la mort de... Alors on ne sait pas tout de suite qu'il s'est suicidé. On sait qu'il est mort suite à la mort de sa fille qui est tombée dans l'escalier. Ouais. Enfin, il y a une découverte de la maison avec les bruits dans le mur et à la cave, la baignoire où on pouvait attacher quelqu'un, qui rejoint pas mal la nouvelle, pour le coup. Et même l'exploration de la maison est plutôt sympa parce que tu vois les tableaux, comme on l'a dit, les décors sont vraiment réussis tout au long de la série. Donc tu sens que c'est une maison dans laquelle il y a eu un peu de vie. Vraiment, oui. toute cette séquence-là est plutôt réussie. Hein. Pour l'instant, on est sur de la bonne qualité. Ouais. Alors, des trois enfants, c'est celle du milieu, Loa, qui se méfie le plus de la maison. Alors, Loa, on va préciser, suite au rachitisme, elle boite assez fortement d'une jambe. Mm. Et elle parle peu, en fait, elle parle pas du tout au début. Et même par la suite, elle restera assez peu bavarde. Elle est très renfermée. Oui. En fait, au début de la série, c'est le décès de sa mère qui l'a mis dans un mutisme. Ouais, c'est ça. Sur les premiers épisodes, quoi. Ouais. J'ai noté qu'il y a une scène où Thane, il est dans les hautes herbes avec une faux. Attention, Thane, hein, tu vas rejoindre une scène bizarre. C'est parti pour 11 films. moi, je suis j'ai plus la patience pour ça. Hein. C'est la séquence où il tombe nez à nez avec les tombes d'autres Boons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont tous été enterrés sur la propriété et pas dans le cimetière de la ville. Bon, comme ça se faisait très souvent dans les grandes familles aristocratiques de l'époque. Bah, et là, ça se fait d'autant plus que la ville n'aime pas les Boons. Oui, en plus. Et justement, la ville, c'est justement après cette séquence-là qu'on va nous la présenter, la ville. Ouais, bah, je te laisse nous dire. Parce qu'après, on va nous présenter le personnage de Rebecca, donc qui est autrice, qui essaye de se lancer dans sa carrière, et qui vit avec sa mère, et qui va se rendre compte de l'arrivée des Boons, du coup, en ville, les nouveaux Boons qui débarquent, sous l'œil malveillant de tout le reste de la ville, n'est-ce pas ? Ouais. Mais bon, elle est prête à les accueillir plutôt sympathiquement, et à se faire embaucher en tant que... comment on dit ? Femme de maison, on va dire ? Ouais, gouvernante, je pense, ouais. Auprès d'eux. Après, elle est un peu intéressée au début. Hein. Elle a quand même son projet d'écrire un roman oui. En se servant de la légende familiale, de l'histoire, etc. C'est ça. Le poste n'est pas que pour les aider, quoi. Enfin, ouais. Au tout début, il n'est même pas du tout pour les aider. Oui, c'est juste qu'elle va s'y attacher au bout d'un moment. Voilà. D'ailleurs, c'est très dommage qu'il n'y ait pas un des Boons qui s'appelle Danny. Moi, j'en aurais profité. Donc là, déjà, tu vas avoir diverses réflexions des habitants du village à propos des Boons. Non pas déjà parce que les Boons sont mal vus, mais aussi bah, parce que les enfants sont métis. Et ça, en même temps, ces derniers films n'étaient pas fous. Hein. Putain. Et tout ça, je trouve que c'est plutôt bien amené, toute cette critique-là de l'époque. Ouais, alors je suis mitigé parce que le truc, c'est que je trouve que le fait que les enfants soient métis, ça aurait pu être intéressant, mais là, c'est un peu à cheval. C'est-à-dire, ça aurait déjà été là s'il y avait juste eu la haine et la méfiance envers les Boons. En fait, le thème de la méfiance envers les étrangers aurait déjà été là, métaphoriquement. Là, le clarifier, je trouve que ça rend ça un peu trop clair. Et ça va pas non plus être démesurément creusé au-delà des 2-3 premiers épisodes, en fait. Très oui. vite, les enfants, leur métissage n'a plus tant d'importance que le fait que ce soit des Boons et ils auront plus vraiment d'interaction avec le reste de la ville. Oui, ça, clairement. Il y aura juste vite fait la précision que Abel est lui aussi discriminé à cause de ses origines. Oui. Mais ça ira pas vraiment plus loin, donc je trouve ça un peu sous-exploité et du coup un peu maladroit. Il y a une scène qui est plutôt poignante de vérité sur la stupidité, même pas que de l'époque, d'aujourd'hui encore, concerne Abel. C'est plus tard, un moment quand l'aînée des filles Boons l'embrasse, c'est lui qui fait en sorte que ça se voit pas trop. Ouais. Et il explique en fait plus tard que si on le voit embrasser une blanche, bah ça va être mal vu. Alors oui. que elle est métisse, mais du coup ça prouve bien que... Dans la vie de tous les jours, elle est métisse, mais si elle embrasse un noir, du coup, elle devient blanche. C'est et puis surtout, elle est beaucoup plus bourgeoise et elle vient d'un milieu beaucoup plus huppé que le sien, ce qui joue aussi, je pense, dans la perception. Ouais, mais là, à ce moment-là, il précise bien blanche, quoi. Ouais. Tu vois. Mais oui, cette scène marche vraiment bien. Enfin, l'une des rares. Hein. D'ailleurs, le personnage d'Abel est vraiment... J'ai rarement vu un personnage aussi peu exploité. Il fait de la figuration la plupart. Alors qu'il temps. Aurait pu être intéressant, quoi. Il y a plein de moments où tu te demandes dans la série, mais où il est, Abel ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre, il sort, tu sais plus. Au bout d'un moment, tu ne sais pas ce qu'il fait. Dans leur exploration de la ville, à un moment, Thane tombe nez à nez avec une gamine malade. Ouais. Il y a une étrange maladie. On sait pas trop ce qu'elle a. Voilà, il y a une étrange maladie qui se propage dans le village. On sait pas d'où ça vient. Ça serait lié, on l'apprendra un peu plus tard, à la malédiction des Boone. Oui. Et la ville, globalement, les accueille très mal. Et ça se renforcera par la suite. Mm. Alors, les moins accueillants, ce seront le maire. La femme. Oh, le maire, ça va, Denison. Ils rejoignent assez vite leur groupe, quand même. Ah non, oui, non. C'est Samuel, le père du... Voilà, enfin, le beau-père du pasteur. Voilà. Et la femme du pasteur, qui, eux, seront odieux tout du long. Oui. Et qui, du coup, sont pas des très bons personnages, je trouve, parce que ils sont vraiment trop clichés, quoi, l'un comme l'autre. Bah, le beau-père plus que la femme. Ouais, pas mal aussi, quand même, je trouve, la femme. Mais oui, peut-être plus le beau-père. Mais du coup, il y a une ambiance dans la ville dont on se rend compte qu'elle est pas faux-folle. Hein. C'est le cas de le dire, oui. Ouais. Et puis encore une fois, cette histoire de maladie, qui était pourtant dévoilée dès le début, une étrange maladie qui se propage. On te dit ça se propage, et pendant toute la série, tu vois qu'une seule gamine qui est malade, quoi. Tu dis, bah c'est pas ça une propagation pour moi, les gars. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Oui, bah, pour moi, la maladie, c'est que Philippe et Steven se nourrissent d'elle. Je pense que c'est ça, l'idée. Mais effectivement, pourrait y avoir plus de victimes. Bah oui. Effectivement, ça marchera pas très bien. Globalement, la ville sera pas super bien exploitée au long de la série. Hein. Y aura des petits soucis avec ça. Mm. Charles va voir les travailleurs de la Syrie, ce qui lui permet de rencontrer Thompson. Alors, on va pas se mentir, Charles, c'est un gros capitaliste, hein, quand même, avec son système de paiement à la tâche. Oui. Plus vous travaillerez, plus vous aurez d'argent. Le mérite. Bon, voilà. C'est... Moi, j'aurais été de la ville, c'est pas à cause de la malédiction des Boone que je l'aurais pas aimé. Hein. Oui, mais à l'époque, le principe du capitalisme n'existait pas encore à fond dans l'esprit des gens. Oh, ça commençait à être bien... 1850, peut-être pas si bien documenté que ça. Ça commençait quand même, hein. On pouvait être socialiste en 1850, il suffisait d'être un peu ouvert d'esprit, c'est bon. On pouvait, mais je pense que les gens croyaient plus au fameux message « travailler plus pour gagner plus » à l'époque que maintenant. Ah oui, le rêve américain fonctionnait beaucoup plus à l'époque, ça c'est sûr. Voilà. Mais voilà, les petits événements se poursuivent. Hein, on constate qu'on se fait un peu chier quand même. Disons-le clairement. Ouais, bah surtout que les séquences d'angoisse avec la porte de la cave et tout, comme on a signalé que la réalisation est plutôt banale et que la musique est pas très bien, en fait, comme elle s'étire un peu, bah ça prend pas en fait. Ça, on n'arrive pas à entrer dedans. C'est pas très intéressant dans les séquences d'angoisse qui prennent quand même pas mal de place. Bah c'est ça. Mais ouais, ça avance petit à petit. Rebecca est embauchée, effectivement, malgré que Loa soit clairement réticente, mais comme elle dit rien, ça continue. Voilà. On a une scène à la Syrie où finalement il n'y a que Abel qui bosse. Oui. Et c'est là, oui, du coup, qui fait son pitch à tous les autres, qui font rien. Charles fait venir un des ratiseurs qui lui dit je vais faire des trucs, mais il n'y a pas de rats ici, a priori, il n'y a aucune trace qu'il y ait des rats. Et vers la fin de l'épisode, on a les premiers mots de Loa qui reproche à son père de leur cacher quelque chose et que ça lui fait peur. Oui, il y a quelque chose en nous, elle dit. Ouais. Et l'épisode se termine avec du coup la fameuse baignoire pleine de terre et de verre. Ouais, c'est ça. Avant, on a eu un mec qui voulait brûler le manoir, le père de la petite fille malade, et qui se fait tuer par on ne sait qui. Ah oui. Il se fait tuer plutôt brutalement. Hein. Son cheval est tué au marteau, il se fait égorger et ensuite il se fait brûler. Bon, il est mort hein, à la fin. Rebecca, aussi on peut mentionner que des fois on a des narrations de son roman, ce qui aurait pu être intéressant, mais ce ne sera pas assez exploité, ça reviendra que 2-3 fois, donc au final, on pas très pertinent. Voilà, c'est ça. Et ainsi se termine le premier épisode. Le deuxième épisode commence par l'accouchement d'une femme qui accouche d'un bébé au visage difforme. Il n'a pas de nez, il n'a pas d'yeux non plus. Bah, il n'a pas de bras non plus. Hein, on apprendra un peu plus tard que en fait, c'est l'amante du pasteur, Burrow, et que l'enfant est le sien, a priori. Et là, on peut s'arrêter juste 3 secondes. Je ne comprends pas. Il y a un problème de montage. C'est-à-dire, tu vois ça, Mais tu te dis, bah, qui est cette femme? Je ne la connais pas. Bah voilà, next. Allez, j'en ai rien à foutre. Ce que je viens de voir. Oui, c'est un peu pour faire un effet choc en début d'épisode, je pense, pour avoir une scène un peu marquante. Mais oui, effectivement, elle pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'elle fout là. Bah voilà, c'est... T'aurais voulu faire un effet choc, présente le personnage durant le premier épisode, quoi. Oui, oui, je suis assez d'accord. Et bon, bref. Il y a les premiers temps des enfants Boone à l'école où ils sont assez mal accueillis à la fois de la part des autres élèves et du directeur de l'école, ce qui là poursuit toute la thématique du racisme. Pendant cet épisode, elle est présente, c'est après qu'elle disparaîtra petit à petit. Oui. Et Boone, lui, Charles, continue à découvrir un peu la ville. Notamment, il va parler au pasteur dont on apprend qu'il avait des enfants qui étaient amis avec la petite, enfin avec la fille de son cousin, donc Marcella, et qu'ils sont morts dans des circonstances étranges. Mais voilà, il a envie de faire un discours face à la ville et le pasteur lui dit qu'il l'aidera. Oui. Et vu que le pasteur est pour le coup un personnage avec un bon fond, bon bah il le fait. Oui, c'est un des vrais personnages qui restera positif. Bon, après, son discours va pas marcher des masses, hein. Il va pas réussir à convaincre la ville de le suivre parce que la méfiance envers la malédiction des Boone reste beaucoup plus forte. Oui. Surtout que Samuel, donc le beau-père du pasteur, lui, milite activement pour que les Boone repartent et pour que personne aille vers eux. Oui. Il y a un moment, il est sur son cheval et il croise une, il croise une nana totalement zinzin. Oui, bah la fameuse servante des vampires qui reviendra voilà. Dans quasiment tous les épisodes. C'est tellement cliché comme scène, quoi, tu dis, mais... Globalement, le personnage sera très cliché. Hein, mais... Ça peut plus passer, normalement, à notre époque, quoi. Ouais. Ça devrait plus Globalement, ce personnage est très cliché. Elle dit quasiment rien, à part des trucs bizarres en faisant un sourire bizarre. Bon, c'est la servante lambda des vampires, un peu folle. Voilà, elle va pas beaucoup plus loin, hein. Oui, non, mais oui, tout ce qu'elle dit, c'est des trucs cryptiques pour mettre un peu de peur, un peu de tension, c'est tout, ça va pas plus loin. Ouais, c'est un pur personnage fonction. Ah oui, clairement, oui. Après, dans les plans qui fonctionnent pas mal, que j'ai noté, à un moment, quand Charles vérifie que ses enfants dorment bien et qu'il referme la porte de la chambre de Loa et qu'on se rend compte qu'il y a un mec derrière la porte... Ça fonctionne pas mal, je trouve, comme plan. C'est oui. Cliché, mais c'est pas mal fait. Oui. T'as la petite gamine malade qui débarque. Ouais, c'est ça, comme si elle était hypnotisée, elle était dans une crise de somnambulisme, a priori. Ouais, comme si une force mystérieuse la faisait aller jusqu'à Chapelwaite. Elle cherchait son père. Elle est ramenée à sa mère, mais la mère est très menaçante envers les Boone. Et ensuite, il y a la fameuse vision des vers... Quand Charles se rase. Oui. Et donc c'est des vrais vers. Et donc c'est les vrais vers à ce moment-là, a priori. C'est dégueulasse. Oui. Par contre, il ne s'est pas réellement coupé le nez pour le film. Hein. Ces gens qui font le travail à moitié. Ouais, bah c'est pas un adepte de l'actor's method, hein, faut croire. Que veux-tu. Mais en tout cas, la séquence rend bien. La séquence rend bien, ouais, pour le coup. Alors après, c'est un peu le piège habituel de c'est une séquence de rêve, donc on peut faire n'importe quoi à pas cher, mais la séquence rend bien. Ouais, et encore à pas cher, l'effet spécial du nez tranché et tout, non, ça rend... Oui, non, mais je veux dire à pas cher au sens où on peut mettre n'importe quoi dans une scène de rêve, ah, oui. Ça aura pas de conséquences, tu vois. Oui. C'est un peu facile en termes d'écriture, on va dire, quand tu veux mettre de la peur facile. Oui, narrativement parlant, oui, après c'est plat, ça ne conduit à rien, je suis d'accord. Oui, ça sert juste à montrer que Charles a de plus en plus de visions étranges, de plus en plus de trucs qu'il trouble, mais oui. C'est tout. À ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, on sait du coup que la femme qui a accouché de son enfant difforme, c'est la maîtresse du pasteur. Oui. Qui agit de manière plutôt solennelle et très paternelle avec l'enfant, malgré ses difformités. Oui, le pasteur est plutôt quelqu'un de bien, a priori, hein, quand même. Ouais, moi, je trouve que même c'est un personnage que j'apprécie plutôt. Ça fait partie de ces personnages que j'apprécie dans la série. Ils sont pas nombreux. Mais je suis d'accord. Sorti des Boone, il y a que le pasteur que j'apprécie un peu. Hein. Je le trouve bien écrit dans son rôle de pasteur et surtout, sa trajectoire est logique en fait. C'est tout le long de la série. Bah oui, c'est ça. Oui, il aura des doutes, mais il aura des doutes assez logiques pour le coup et qui seront plutôt bien menés dans l'ensemble. C'est Halloween. Voilà, c'est... Mais pourquoi vous mettez ça, quoi ? Arrêtez de rallonger vos séries. Ouais, c'est ça. Ça inutile, sert juste à montrer, encore une fois, les agressions envers les Boone, mais c'est pas très intéressant, en effet. Et il y a la mort de Suzanne, donc la petite fille malade, qui a dit que Steven était à la fenêtre, Steven Boone. Oui. Ce qui, encore une fois, va renforcer l'agressivité. Et Charles, en rentrant, en voulant prouver que c'est pas la faute de Steven Boone, va creuser la tombe, va dans le cimetière, dans la maison, et va se rendre compte qu'il n'y a personne dans cette tombe, et donc il y a bien quelque chose d'un peu bizarre. La tombe est vide, effectivement, et une tombe vide, c'est effectivement bizarre. Et c'est ainsi que se termine le deuxième épisode. Elle est morte ! Ma fille est morte ! Mon bébé est mort, que Dieu ait pitié ! Où est mon mari ? Edouard ! Edouard ! Allez chercher les enfants, mettez-les à l'abri. Que s'est-il passé ? Suzanne Mallory est décédée. C'est un Boone ! Steven Boone a tué ma petite fille ! Je t'en prie, Rose, cela fait un an que Steven Boone est mort. Il est revenu, c'était Steven Boone, elle l'a dit de sa bouche ! Elle n'a jamais dit cela. La petite était délirante. Elle a vu cet homme ! Steven Boone ! Cette femme a besoin d'aide, de toute évidence. Déterrez-le ! Assez, ça suffit. Elle dit des insanités. Alors, prouvez-le ! Je vous vois venir, monsieur. Je vois clair dans votre jeu. Steven Boone est en vie. On sait ce qu'ils ont fait. Les Boone ont signé un pacte impie pour la maison et son terrain. Non, c'est... Ils sont maudits, tous autant que nous. Si vous pensez que c'est la vérité, alors il n'y a plus aucun espoir pour cette ville. Je jure sur ma vie que vous ne connaîtrez jamais la paix. Rentrez chez vous. La veillée est terminée. Le troisième commence par une scène de cauchemar. Donc, bon, on y revient, je suis pas fan de la technique. Après, la scène... est trop longue, surtout à cause de la musique qui est nulle, mais pourquoi pas, en soi, il se voit enterrer ses enfants comme son père voulait l'enterrer. Le souci, c'est qu'on n'a pas besoin de 10 000 scènes de rêve, quoi. Bah, oui, voilà. C'est-à-dire que l'idée est bonne, le problème, c'est que c'est tout ce qui l'entoure, quoi. Ouais. La réalisation est plate, la musique est pas bonne, on a déjà eu des scènes de cauchemar avant, donc bah, ça n'a plus d'impact. Voilà, quoi, c'est... Au bout d'un moment, il faut savoir, il faut apprendre le juste milieu, les gars. Mmh. Charles poursuit son enquête, notamment en allant voir l'ancienne gouvernante, et il est de plus en plus persuadé qu'il y a un complot derrière tout ça, qu'en fait, on l'a attiré là, volontairement, et que Steven Boone n'est pas mort du tout, et que voilà, on veut le manipuler, lui. Oui. Steven, c'est son cousin, on est d'accord, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Les liens familiaux ont un peu changé, ont été un peu simplifiés par rapport à la nouvelle. Parce que après, un peu après, on apprend le comment est mort, donc non pas son cousin, mais son oncle, du coup. Oui, Philippe. Le père de son cousin, donc son oncle, c'est bien ça. Qui s'est donné la mort en se noyant volontairement, enfin en allant dans l'eau. Enfin, du coup, c'est ce qu'on nous fait croire, hein, que c'était ouais. Pas vrai. Mais je sais pas, je trouve la scène où il marche, c'est face à la mer, où il se prend une déferlante de vagues. Visuellement, je trouve la scène pas trop mal réussie. La femme du maire commence à être malade. Alors eux, par contre, j'en ai rien à faire de ces deux persos, et ils reviendront pas mal. Et il y a une demande de l'ancien pasteur, donc de Samuel, à Bureau, de charger les Boone dans son sermon, avec ce discours sur la foi, il faut un ennemi, il faut quelqu'un à détester. Mm. Ce aurait pu être un thème intéressant, mais encore une fois, je trouve que ça ne sera pas suffisamment développé pour vraiment fonctionner. Ouais. Bien entendu, le pasteur, il est contre. Hein. Oui, oui. Pour le coup, lui, il restera toujours plutôt droit avec tout ça. Les violences se renforcent, les enfants se font virer de l'école, et la nuit, la maison se fait caillasser, et Charles se fait frapper dessus. Ah oui, c'est le cucus clan du pauvre, hein. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Je pense que l'image est volontaire, d'ailleurs. Oui, clairement. C'est les enfants de la famille. Enfin, avec l'aîné et... comment elle s'appelle ? Rebecca. Qui ouais. Sortent avec des fusils pour chasser les intrus. Ouais. Et l'un d'eux, dans sa fuite, va être attiré dans les bois et tué brutalement, et son sang est recueilli dans un baquet. Voilà. Voilà. Bah, tout comme le premier, hein. Celui qui voulait foutre le feu, pareil, c'était oui. Dans un baquet aussi. Ouais, c'est pour faire du boudin. Voilà, c'est très bon. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Moi, pas tant que ça, mais bon, voilà. Non, après, je préfère quand c'est fait avec de l'animal, quoi. Plus ouais. Que de l'être humain. T'en as déjà goûté à l'humain ? T'es en train de nous dire ? Ça restera entre moi et ma conscience. Là, il y a Charles il apprend que son frère a été traité, non, son cousin a été traité dans un hôpital, qui retrouve du mercure de traitement. Et donc il va se rendre à l'hôpital où il était traité pour un problème familial, a priori, qui c'est donc la vermaphobie, la peur des vers généralisée. Oui. Et visiblement, les Boone parlaient d'un livre capable d'éloigner les vers. Là, on constate les méthodes de soins brutales de l'hôpital. C'est cliché, mais à la limite, ça, pourquoi pas. Ça fait toujours son petit effet, les bains de glace, les trucs comme ça. En parallèle, il y a le garçon de la famille, il y a la zinzin là, qui vient le voir. Ouais. Qui lui dit des trucs cryptiques. Ouais, ça continue un peu rigolote, à la limite. Et ça, oui, c'est vrai. Ça fait très penser à la comptine des gamins dans Freddy, les griffes de la nuit. Oui. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Elle lui balance une pomme avec plein de vers dedans. Voilà, c'est dégueulasse. Manger des pommes. Et c'est à ce moment-là que t'as le dératiseur qui dit « Bah non, il n'y a pas de rat chez vous, monsieur. » Ouais. Voilà. Et elle dit aussi, elle précise à Tane de dire à Charles qu'il doit trouver le livre. Voilà. Et puis, pourquoi il suffisait d'envoyer un courrier, hein, c'était tout aussi bien. Ouais, ou de demander directement à Charles. Hein, Oui, voilà, aussi, oui. Après, c'est peut-être pour qu'il ait en tête « Hey, je peux menacer tes enfants. Ah. » Oui, ou alors c'est fait pour faire durer l'épisode. Oui, aussi. Il y a les premiers rapprochements entre Honor, l'aîné et Abel. Oui. Et l'épisode se termine sur une crise nocturne de Charles qui se met à défoncer les murs à la hache pour trouver les rats et qui finit par diriger la hache vers Honor, mais il s'arrête à temps. Et comme il a peur d'être en train d'être gagné par la folie meurtrière familiale, il prend lui-même un bain d'eau glacée dans la baignoire au sous-sol. Où est-ce qu'il a trouvé les pains de glace à 2h du matin? Oui, je sais pas, mais... Mais voilà. Tu fais pas livrer ça facile, normalement, hein. Je trouve très très mal écrit tous ces instants de folie qui surviennent d'un coup et s'en vont d'un coup comme ça. C'est, je sais pas, je trouve qu'il y a pas de montée en fait. Ouais, il y a pas assez de progression, ça rend tout ce thème assez peu efficace. Alors et pourtant je veux bien croire que dans la vraie vie véritable les gens qui ont des moments de folie comme ça, c'est brutal justement, mais sauf que je suis pas en train de regarder la vraie vie véritable. Je suis en train de regarder une œuvre qui, normalement, est censée me raconter quelque chose et voilà. Bah, ou alors, à la limite, que ce soit aussi brutal, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit mieux traité, peut-être dans la fréquence, dans ce genre de truc, dans la méfiance que ça entraîne. Oui. Il y a plein de moyens de mieux traiter ça. Tandis que là, il y aura un peu une méfiance au début de l'épisode suivant de sa famille, mais il y aura quand même globalement une idée, il y a deux modes, il y a soit il est fou, soit il va très bien et tout le monde va très bien autour de lui. Ouais. C'est un peu ça qui me pose problème. Oui, parce qu'effectivement, l'épisode d'après, bon bah, ils ont encore en tête le fait que la gamine, elle a failli se prendre un coup de hache par son père. Et donc, ils se disent, bah, papa, ça va pas? Ouais, mais ça ira pas méga plus loin, quoi. Bah oui, c'est ça que je reproche. C'est que c'est tout. Alors, l'épisode 4, d'ailleurs, a débuté sur un flashback de 1781 où on voit Silence, donc la mère de Philippe et Robert. Encore une espèce de cauchemar vision. Il y a des vers dans la bouche, voilà. Ces flashbacks, il y en aura dans plusieurs épisodes pour dévoiler l'histoire familiale et globalement, ils ne servent à rien. Bah, puis c'est encore une vision. Oui. Oui, oui. En fait, elle l'a pas, quoi. Le verre oui, dans la c'est bouche. Ça. L'amende du pasteur est abordée par la fameuse femme aux pommes, là, qui lui demande de lui apporter le bébé pour le verre. La femme aux pommes. Ouais, c'est comme ça qu'elle est nommée au générique. Hein. C'est Apple Girl au générique. Je ne dis plus rien, moi. Et c'est là qu'est découvert le souterrain dans la grange. C'est Tane qui le découvre. Oui, exact. Bon, Charles réfléchit à se faire interner, mais ça reviendra jamais. Hein, voilà. Il découvre que le souterrain, en fait, mène à des pièces cachées de la maison. C'est ça, bah, notamment déjà à tous les murs de la maison, à des espaces entre les murs, et à certaines pièces qui paraissent avoir été détruites, qui sont en effet cachées. Et là, vraiment, la musique et la réalisation pêchent complètement, parce que sinon, c'est une bonne idée. Il y a de quoi faire des sacrés trucs, avec le fait qu'il y ait des souterrains, des passages secrets dans la maison. En termes de réalisation, de spécialisation, il y a de quoi faire d'excellentes choses. Et puis même mais en ça ne marche pas. Et puis même en termes d'angoisse, parce que ça veut dire que tu comprends que les bruits qu'il entendait, c'était vraiment des bruits, c'était pas des illusions sonores. Oui. Et que donc, il y a vraiment une menace qui se tairait derrière les murs. Bah, qu'il y a des gens qui peuvent circuler derrière les murs, largement, ouais. Ce qui clairement, en termes d'angoisse, de peur, normalement, si c'est bien fait, ça fonctionne direct. Ça fait partie des peurs les plus viscérales, la peur de ne pas être seul chez toi, qu'il y ait quelqu'un à ton insu qui soit là, quoi. Oui. Mais sauf que là... Oui, précisons, à ton insu, parce que sinon, toi, oui. T'es pas seul chez toi, tu vois. Il y a des personnes qui vivent avec toi. À ton insu. Mais là, la série n'en fait absolument rien, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Mais là, je pense que c'est beaucoup une faute de réalisation qui ne sait jamais très bien utiliser les décors. Il trouve donc une pièce secrète avec la phrase « Le ver corrompt » écrite sur les murs et tous les rats morts, etc., les ossements, etc., les vers. Mm. Du côté du pasteur, Faith, son amante, le supplie de partir tout de suite parce qu'elle a peur de comment le reste de la ville la traitera. Oui. Et là, j'ai noté à l'enterrement de Suzanne, donc la petite fille qui était malade, juste voir toujours le village être systématiquement des connards, moi j'en ai marre, tu vois, au bout de 4 épisodes, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la peine de me le remettre 10 minutes à chaque épisode. Oui, on a compris, quoi. Voilà. C'est là qu'on a la scène du baiser dont tu parlais tout à l'heure entre Honor et Abel. Oui. Enfin, il lui dit pourquoi il s'est éloigné. Ouais, c'est ça. Et Honor dit qu'elle fait encore confiance à son père, à ce stade. Elle restera quand même tout le temps plutôt confiante, Honor, oui. Pour le coup. C'est plus la fille du milieu, Loa, qui va développer une méfiance. C'est là que le cousin débarque et qu'il essaye de manipuler Loa. Qu'il y arrive, ouais. Même, on peut même le dire, parce qu'il n'y a pas trop de surprise sur le fait qu'elle lui fait plutôt confiance, puisqu'elle elle hurle à son père de ne pas le chasser et de lui tirer dessus, donc... Ouais, mais là tu vois ça vient un peu brutalement je trouve comme évolue. Je comprends le personnage de Loa dans l'idée qu'elle se sent seule, qu'elle a à la fois sa couleur de peau, son handicap, le deuil de sa mère qui font qu'elle est plutôt isolée. Oui. Mais donc tout son isolement ça marche. Le fait qu'elle fasse tout de suite confiance à cousin Zinzin qui débarque et qui est censé être mort, un peu moins tu vois c'est. Bah et puis cousin Zinzin qui ça se voit qu'il a des dents de vampire quoi donc au bout d'un moment. Hein... Inquiète-toi un peu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il s'en cache pas, quoi. Il a le regard vitreux, il a la peau pâle, il a des crocs. Tu dis, comment ça tu lui fais confiance ? Enfin, si encore il jouait sur le mythe vampirique, ou genre il l'hypnotise un peu pour lui faire croire, mais même pas. Non, il n'y a pas du tout cette idée-là. Après, par contre, cela dit, pour le coup, je trouve les quelques ustensiles utilisés pour tout ce qui est maquillage, lentilles et les crocs, ça rend plutôt bien, tu vois, le design global des personnages vampiriques rend plutôt bien, je trouve. À quelques exceptions près, je trouve les effets spéciaux et maquillage pas dégueulasses hein, oui. Dans la série. Oui, au global, c'est vrai que les effets spéciaux sont plutôt réussis. Et après, la plupart étant des effets spéciaux pratiques, je pense, il y a très peu d'effets numériques dans la série, je pense. Ouais, oui, il doit pas y en avoir tant que ça, effectivement. Mais oui, du coup, ils rendent plutôt bien. Donc bah, du coup, Charles, il surprend sa gamine de se faire aborder par son cousin qui est censé être mort. Bon. Effectivement, on peut s'interroger. Et il tire sur Steven. Il réussit à le faire tomber depuis l'étage, mais ça ne le tue pas. Steven disparaît. Il le voit se relever. Ouais. Pendant ce temps, il y a eu dans la ville Rebecca qui a surpris Philippe Boone en train de se nourrir du sang de Marie, la femme du maire. Mm. Elle le poursuit, il s'échappe, mais donc il découvre des traces de dents qui font vampire sur le cou de Marie. C'est quand même incroyable dans les séries télé, enfin dans les œuvres de fiction. Ces ennemis qui arrivent à être dans l'ombre pendant des années et des années, qui tout d'un coup, dès que les protagonistes arrivent, hop, ils se font griller. Bah oui, parce que ça fait un moment qu'ils sont... on sait pas exactement depuis quand ils sont vampires, mais a priori, ça fait quelques temps qu'ils sont censés être dans la ville à tourner. Ah oui. Et donc cette fois-ci, oui, c'est pas le cousin, c'est le père du cousin. Ouais. Qui se fait griller. Donc celui qu'on pensait s'était donné la mort en mer, là. La femme aux pommes arrive avec d'autres personnes. Elle commence à parler de Jacob qui a les réponses. Dit à Charles qu'il a rendez-vous à Jérusalem's Lot. Il y a une femme qui s'égorge devant lui. Qu'est-ce que c'est cliché tout ce passage-là ? Ah oui. C'est vraiment la personne qui s'égorge devant lui. Regarde, on va te prouver à quel point on est fidèle. Oh, c'est bon, stop. Mais voilà, fin d'épisode sur rendez-vous donné à Jérusalem's Lot. À Alors qu'encore une fois, il suffisait d'envoyer un courrier. Oui, c'est vrai, les services postaux, ça marchait encore à l'époque. Cinquième épisode, bon, bah, on a le début avec Silence, encore jeune, qui récupère le Dévermis, et où elle voit un pasteur qui tentait de tuer plein de monde, ouais. Globalement. Donc comment le livre est arrivé entre leurs mains, je suppose. La scène est pas trop mal, je trouve. Oui, c'est juste que j'en ai pas grand-chose à faire de cette histoire, mais oui, en soi, la scène prise isolément fonctionne pas mal. Voilà, c'est ça. En fait, si les personnages et le tout étaient bien écrits jusque-là, ça, la scène aurait vraiment été bien. Ouais. On verra plus tard un autre flashback, mais autant le faire tout de suite, où Silence se suicide en tentant d'emporter ses enfants et où ils sont sauvés par le futur maire, alors qu'il était encore jeune. Sinon, là, on est dans un épisode qui, encore une fois, va beaucoup mélanger les différents personnages, les différents points de vue, donc entre la femme du maire qui est de plus en plus malade. Il y a Charles qui va donc aller à Jérusalem Slot, on y reviendra. Il y a Loa et les autres enfants qui sont chez Rebecca. Oui. Enfin, il y a tout qui s'éparpille un peu, en fait, dans cet épisode. Et on voit aussi le pasteur qui avoue à sa femme que l'enfant de Faith est son fils, mais tout ça n'est pas très intéressant et trop mélangé. Ouais, c'est beaucoup trop distillé. Ouais. Ce qui fait que le voyage à Salem de Charles ne fonctionnera pas très bien parce qu'il est trop noyé au milieu du reste. Bah, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est un épisode où t'as l'impression qu'ils ont mis 10 000 trucs. Quoi. Ouais. Et genre, il y a un mec qui s'est levé, il s'est dit « Ah, on en est déjà à l'épisode 5, les gars. On va peut-être se manier, là. » Et voilà. Et du coup, ça fait un épisode, effectivement, qui a beaucoup trop d'informations et qui, du coup, se noie lui-même dans ces informations. Et ce qui est dommage, parce que toute la séquence à Jérusalem Lot aurait pu être très réussie. Et limite, en fait, l'épisode aurait dû se focus uniquement sur ça. Oui, c'est ça. On aurait dû avoir que ça, plus travailler l'ambiance. Bon, il y a des trucs clichés. Il y a des trucs qui, pour moi, à cause de la réalisation, ne marchent pas du tout. Genre quand il arrive dans l'église et qu'il y a les gens un peu crucifiés, dont on boit le sang. Oui. C'est une image tellement gothique et excessive que s'il n'y a pas une réalisation qui va avec à côté, ça fait juste ridicule. Et voilà. Mais oui, par contre, la confrontation avec Jacob, alors moi, il m'a un peu énervé à parler à deux à l'heure tout le temps. Oui. J'avais envie de lui dire d'accélérer, mais sinon, ok, ça marche un peu. Ouais, mais c'est un vampire, il a le temps. Ah bah là, oui, il a le temps, mais bon, nous, non. Parce que, comme tu disais, à un moment, c'est pas mal éclairé, enfin, il y a un travail sur le décor et l'ambiance, quand même, à ce moment-là. Oui. Et puis lui, lui-même, son maquillage est très réussi, quoi, à l'acteur. Oui. Oui, oui, effectivement. Mais vraiment, pour moi... C'est un épisode qui dure 45 minutes. Ils auraient gagné à virer tout l'annexe, à faire uniquement un épisode d'une trentaine de minutes qui se passe uniquement à Jérusalem Lot, c'est tout. Ouais, je pense, effectivement. Après, à la limite, ce qui se passe du côté de Rebecca et des enfants est important, parce que c'est là que Loa va se faire emporter. Oui. Mais donc, pour résumer, en gros, Rebecca amène les enfants chez elle, mais Loa a trouvé le manuscrit que Rebecca a écrit sur sa famille. Alors, à noter, l'accessoire du manuscrit, pour le coup, ne marche pas du tout. C'est un manuscrit ultra bien écrit, ultra propre. Genre, vraiment, ça a été fait avec une écriture simulation cursive sur Word. Hein. Le machin, il n'y a pas une faute, pas un pet. C'est pas crédible du tout. Ouais. Mais donc, Loa va plus faire confiance à Rebecca et repart toute seule. En fait, elle s'enfuit de chez Rebecca. Avant même d'avoir des explications, parce que quand même, Rebecca s'explique auprès des autres gamins. Oui, mais à la limite, ça passe, parce que Loa est méfiante de base envers Rebecca. Oui, bah, elle est méfiante envers tout le monde, ça. Oui, en plus. Et donc, elle retourne à Chapelwaite. Elle est suivie par Rebecca et les autres, mais ils arrivent trop tard. Elle a déjà disparu, elle a déjà été emportée. Hum. Par Steven qui lui fait le coup « Oh, le pire truc au monde, c'est de perdre son enfant, etc. » Voilà. Et l'épisode se termine sur Charles qui revient de Jérusalem Slot et qui trouve le corps de Loa sur la route. Et c'est vraiment dommage que ça soit mal réalisé parce que la séquence aurait pu être bien. Oui, voilà, il y a quand même le jeu d'Adrian Brody qui fonctionne bien, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est lui qui sauve la scène, quoi. Ouais. Mais qui êtes-vous ? Je suis Steven, le cousin de ton père. Celui qui vous a invité ici, Loa. Comment vous savez mon nom ? Je sais beaucoup de choses. Je sais que tu es malheureuse ici. Je sais que tu es triste. Et en colère. Tu dois te sentir bien seule. N'est-ce pas? Je connais aussi la solitude. Mon père est à votre recherche. Vraiment? Il a une arme. Je m'inquiète pour sa santé. Il semble troublé. Souffrant même. Mais ça, tu le sais déjà, pas vrai? Alors, parlons de choses plus joyeuses. Dis-moi, tu l'aimes, ton collier? On dirait qu'il n'a jamais été cassé. Quoi? C'était vous? Quel magnifique présent. Mais... ta maman a vraiment très bon goût. Avait. Ah, mon enfant. Vous avez connu ma mère? Je connais ta mère. Et le début de l'épisode 6, alors après le flashback sur la mort de Myrcella dont je me fiche un peu, il y a quand même toute la séquence qui pour le coup reste centrée sur les Boons où Charles ramène le corps de Loa, voit les morsures de vampires et l'enterrement. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, surtout que ça reste très muet et c'est un des rares moments où la série se tait aussi. Oui. Donc je trouve ce début d'épisode 6 plutôt efficace pour le coup. Oui, on est d'accord. Sauf qu'après, bah, tu te tapes plein de scènes avec de l'annexe. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, le reste de l'épisode est beaucoup moins bien. Il y a le pasteur qui dit qu'il ne partira pas en même temps que Faith parce qu'il veut combattre Jacob et du coup, elle part seule et elle se fera tuer par les serviteurs des vampires. Son fils se fait emporter, on n'en entendra plus jamais parler d'ailleurs. Oui. Oui, c'est complètement con. Ouais. Le maire dont on n'a rien à faire, il tue sa femme pour l'empêcher de devenir vampire. Bon, elle va quand même devenir vampire, mais on va dire que ça partait d'un bon sentiment. Oui. Oui, allez, je peux comprendre, c'est pour pas qu'elle devienne un monstre. Voilà, c'est, bon, c'est cliché, oui. C'est vu dans plein de films d'infection, de zombies ou de vampires. Mais voilà. Allez. Oui, bah le souci, c'est que ça arrive à des personnages auxquels je m'intéresse pas, quoi. Oui, voilà. Le maire et tout le monde commence, en fait, va commencer à se rapprocher des Boons. En fait, il y a les débuts des groupes qui se forment, en fait, là, avec le groupe des Boons, du maire, du pasteur, d'un côté, et les antagonistes de la ville de l'autre. Et, mais sinon, non, c'est pas un épisode très intéressant. Et il se termine sur Loa qui revient en vampire, qui est désormais parmi les fidèles de Jacob. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a un moment où Charles va balancer son corps dans l'eau. Oui. Tout comme ils l'ont fait avec la mer en tout début de série. Ça revient plusieurs fois, ça, pour le coup, l'idée de balancer les gens à l'eau. Et encore une fois, c'est mal filmé, quoi. Alors que ça aurait pu donner une scène très émouvante. Bah oui, ça aurait dû l'être, quand même. C'est quand même la mort d'un personnage important. Sauf que là, il est sur l'eau, donc sur une surface... surface aquatique, normalement, quand c'est bien filmé, il y a moyen que ça soit super beau, mais c'est filmé en contre-plongée. Ouais. Donc, du coup, tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas la surface, tu vois juste lui qui rame. Ouais, je pense que c'est la photo aussi qui pêche, hein. Peut-être que des trucs auraient pu marcher, mais... Bah, mais oui, ouais, non, c'est non, pas très bien. Parce que après, quand tu les vois, eux, donc le reste de la famille plus Rebecca, ils sont au bord de plage, mais au niveau des hautes herbes, avec un soleil un peu couchant. Et là encore, ça va. Il y a quelques plans jolis. Oui. Oui, effectivement, ouais. Et du coup, effectivement, tout le monde est triste. Et Loa revient. Mais elle est complètement du côté des vampires. Et fin de l'épisode. Et l'épisode 7. Alors, ce qui lui a été dit par Jacob et ce qu'il lui a redit là, c'est qu'en fait, il doit trouver le Dévermis Mysterious. C'est vrai qu'on n'avait pas détaillé ça. Il doit trouver le Dévermis Mysterious pour les vampires parce que le livre appelle les Boons, mais quand ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts, ça marche plus et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un Boon vivant. Mm. Et donc, le début de l'épisode 7, c'est un cauchemar, une vision de Charles. Bon, qui revient sur des trucs qui n'est pas inintéressante en fait, mais encore une fois, les visions, j'en ai marre. Et il se réveille, il est dans la crypte, plus ou moins, de l'église. Enfin, oui. Il arrive vers le cimetière de l'église. Quand il a sa vision aussi avec l'éclipse L'éclipse éternelle, en fait, ce que veulent provoquer les vampires. C'est là l'éclipse éternelle, la vision en rouge, tu veux dire? Oui, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là? Ah, oui. Ah non, c'est quand il touche le livre, c'est juste après. Oui, c'est quand il trouve le livre, oui. Oui, ouais, mais du coup, c'est dans la même séquence. C'est ça. Mais d'abord, il faut qu'il trouve le livre qui était dans la tombe des enfants Burrow, donc des enfants du pasteur, qui avaient été cachés là par la fille, par Myrcella, pour le mettre à l'abri du reste de la famille. Et là, effectivement, il y a la vision de l'éclipse éternelle qui marche plutôt pas mal, pour le coup. Oui. Peut-être parce que c'est un des rares moments où il y a vraiment de la couleur dans la série, je sais pas. Oui, il y a une vraie direction artistique, surtout. Oui, enfin, c'est un filtre rouge, quoi, mais... Ouais, mais t'as cette vision de... T'as ce petit bout de plage qui est jonché de cadavres avec le Jacob qui marche le long de la plage, du coup. Et en fond, t'as ce qui ressemble à la ville qui est en train de cramer. Oui. Voilà, t'as une vraie volonté de créer une iconographie, en tout cas. Oui, c'est ça. Il y a au moins une idée. Hein. Chose qu'on n'avait jamais eue encore. Ou très peu. Et il y a aussi des plans avec un grand angle sur Charles. Ah oui. Bon, alors moi, le souci, c'est que ça m'a un peu évoqué Les Visiteurs 2, mais oui, bon, c'est... En fait, ça a vite un côté plus grotesque qu'inquiétant, voilà. Je trouve. Il y a moyen de mieux le faire, hein, mais je pense que la photo aide pas non plus, tu vois. C'est un peu plus ridicule qu'autre chose. Oui. Toujours est-il que le livre est trouvé, mais qu'il refuse de le remettre à Loa et aux vampires. Et on comprend pourquoi. Steven et Philippe, oui, vu ce qu'il a vu, effectivement. Abel prévient le maire de ce qui se passe à Salem's Lot. Le cadavre de Face revient sur une charrette en public, et donc le pasteur Burrow dévoile son secret en public. Il dit qu'il trompait sa femme, qu'il avait un enfant, etc., etc. Et c'est là que vraiment les deux groupes vont clairement se constituer entre ceux qui restent hostiles au Boone et ceux qui vont les suivre. Oui. Et c'est là que tout un groupe va se retrouver dans la maison et va commencer à préparer l'assaut des vampires qu'ils attendent pour la nuit à venir. Qui sera au cœur de l'épisode d'après. Ouais, c'est ça. Alors, on apprend vite fait que Charles a quand même tenté de brûler le livre. C'est bien que ce soit évoqué qu'il a fait cette tentative et que le livre brûle pas. Oui. Et, du coup, il a pas été démesurément bête. Il est allé au plus logique au début, quand même. Oui. Il y a une scène incroyable plus tard. C'est de ce mec-là qui marche tranquillement et qui, au loin, voit les vampires arriver. Et bon, bah, vu qu'il les a vus, bon, bah, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Ouais, ça, c'est pas de chance. Hein. Allez, hop, au revoir. Mais il y a cette manière très, très Nosferatu de Jacob de sortir de son cercueil, genre, ah, enfin, la nuit. Voilà, Charles devient un peu fou à cause, enfin, de plus en plus dans ses délires à cause du livre, de plus en plus violent, et prépare même des cordes de pendu pour lui et pour les enfants. Et en fait, Rebecca va avoir l'idée pour le libérer de la malédiction de confier le livre à la femme du maire, Mary Denison, qui est donc devenue une vampire. Et en gros, il l'attache à la cave dans la baignoire, il met le livre sur elle, et comme ça, le livre est bien auprès des morts vivants, et donc la malédiction prend fin momentanément. Ça, c'est plutôt une bonne idée, en réalité. Oui, clairement. C'est pratique d'avoir une baignoire où tu peux attacher les gens chez toi. Oui, on devrait tous avoir ça chez nous, mais il y a des apparts où c'est trop petit, on peut pas la placer. Moi, tu vois, j'ai une baignoire, mais si j'attachais quelqu'un dans ma baignoire, je pourrais plus me laver. Donc, c'est vrai. Puis les voisins entendraient peut-être des trucs aussi. Oh, ça... On se débrouille. Il suffit d'attacher les voisins. Oui, tu sais, mes voisins, ils sont pas très regardants, j'ai l'impression, sur le bruit. Hein. T'as de la chance. Ah, les vôtres, ils sont pénibles. Non, ça va, en vrai. Et donc, les premiers vampires arrivent. Parmi eux, il y a Philippe qui se fait harponner. Le passé de lignée de Charles revient, et c'est plutôt cool, en réalité, ce moment-là, où il le hisse à l'intérieur avant de le décapiter. Oui, ça rend vraiment bien, la séquence est plutôt sympa. Ouais. Il coupe la tête. Alouette. Et arrive l'épisode 8, donc pour moi c'est un des plus réussis, si ce n'est le plus réussi, l'épisode 8, parce que c'est le plus centré sur un seul truc, en fait. Il va entièrement rester, il a des longueurs, hein, mais il reste quand même très concentré sur l'assaut de Chapelwaite par les serviteurs des vampires, puis par les vampires, et par la défense des Boone et de leur petit groupe à l'intérieur. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui a ses longueurs, mais qui globalement est plutôt réussi. Ce qu'on peut lui reprocher, encore une fois, c'est le travail de spatialisation qui n'est pas très bon. Et donc, comme c'est dans un décor unique, qu'on est censé savoir comment les personnages se déplacent les uns par rapport aux autres, ce serait beaucoup mieux si on avait une meilleure gestion de l'espace, des plans un peu plus imaginatifs, etc., etc. Et puis si on savait à quoi ressemble l'intérieur de la maison, parce que concrètement, on n'en sait rien, quoi. Oui, aussi. Les doutes religieux du pasteur se renforcent de plus en plus. Ouais, ils sont plutôt bien amenés, je trouve. Oui, et je trouve même assez jolie la scène où Honor vient lui demander si Loa pourra redevenir du côté de la religion, quoi, ou si elle sera toujours maudite, et où il fait un effort pour cacher qu'il a plus la foi afin de rassurer Honor. Je trouve ce moment joli, pour le coup. Ouais. Elle lui demande même concrètement si elle ira au paradis une fois morte. Oui, c'est ça. Alors que c'est devenu une mort-vivant. Ouais. Et donc, l'attaque commence. Là, les souterrains vont finir par resservir, puisque les serviteurs des vampires trouvent au bout d'un moment l'accès aux souterrains, alors que le combat était déjà un peu compliqué. Ouais. Ce qui, encore une fois, aurait pu être mieux exploité. Oui, voilà, c'est ça. Ça resserre, mais de manière tellement pauvre. Oui, parce qu'autour des bruits, des déplacements, le fait qu'il y ait des vampires dans les murs, ça aurait pu être excellent. Bah oui, aux mains d'un vrai réalisateur, oui, complètement. C'est ça. Tain est embusqué, mais est sauvé par Loa, qui tue les sbires qui étaient en train de le menacer. Ouais. Parmi les vampires qui attaquent, on se rend compte qu'il y a le père de Rebecca, qui était l'ancien avocat notaire des Boone. Ça sort de nulle part, quoi. Si, on l'avait évoqué 2-3 fois, quand même, lui. Ouais, mais... Peut-être pas assez, mais... Je lève les yeux au ciel, quand même. Oui, ça, bah surtout qu'encore une fois, c'est que ce sera pas assez exploité, que tout ce rapport au père n'a pas tellement d'importance vis-à-vis de Rebecca. Donc oui, c'est pas très pertinent. Mais à la limite, ok, ça a été amené avant, quoi. C'est pas tout à coup sans qu'on s'y attende. Ouais, à la rigueur. Mais pareil, ça m'intéresse pas des masses, hein, je te rejoins là-dessus. je me fais un peu l'avocat du diable là-dessus. Globalement, c'est un épisode sur lequel on va pas forcément passer beaucoup de temps, mais parce qu'il reste concentré sur une action, mais c'est plutôt intéressant, voilà, dans ses rebondissements. Il y a des moments de tension et de combat qui marchent vraiment pas mal. L'assaut commence à très très mal tourner pour le groupe humain. Mm. Et en fait, c'est Tain qui trouve la solution pour aider tout le monde. Bah, il remet le livre à Loa. Et donc, ce faisant, il garantit le sauvetage, au moins momentané, de sa famille. Il y a une réaction logique, hein, pour un personnage d'enfant apeuré. Oui, et puis de toute façon, effectivement, il n'aurait pas fait ça. Bah, tous les vampires débarquaient à la cave et tuaient tout le monde, tout en récupérant le livre quand même. Donc, il sauve quand même. C'était la seule chose à faire au stade où ils en étaient arrivés. Ah oui. Et du coup, l'épisode se termine avec les vampires qui se barrent. Ouais. Jacob est devant. Je ne sais pas combien sont avec lui, mais nous avons un plan pour protéger la maison. Chacun connaît son poste. On a assez de bois pour condamner les fenêtres et les portes qu'il pourrait fracturer. Constable, comment vous sentez-vous ? Je supporte la lumière du jour. Bien. Il faut les empêcher de s'approcher de la grange. Ils ne doivent surtout pas trouver le passage entre les murs. S'ils le découvrent, c'est qu'on perdra la maison. Dans ce cas, on fixera la dernière barricade pour restreindre notre périmètre à la salle à manger et à la cuisine. Toutefois, si ça devient dangereux, on ira se replier dans la cave pour l'assaut final. Autant y aller tout de suite. Cela ne nous laisserait aucune chance d'affronter l'ennemi. Il n'y a aucune issue. Il casserait la porte de la cave et nous brûlerait vif. On serait mort en moins d'une heure. J'ai de l'expérience. Je sais protéger un navire des pirates. Avec la bonne fortification, on peut faire des miracles. On a tout ce qu'il nous faut. On va en apprendre beaucoup sur nous-mêmes ce soir. Il y a des moments où on sera découragé, où on voudra capituler. Tenez bon. Révérend, pouvez-vous dire une prière ? Je pense que cela ferait du bien à tout le monde. Priez plutôt chacun pour vous. Moi, je vais prier. Le Seigneur est votre refuge. Vous avez fait du Très-Haut votre forteresse. Le malheur ne pourra vous toucher, ni le danger approcher de votre demeure. Il donne mission à ses anges de vous garder sur tous vos chemins. Amen. Amen. Le 9e, ça commence sur les vampires qui vénèrent le Devermis Mysteris porté par Loa. Et Loa commence à comprendre qu'elle a peut-être choisi le mauvais groupe quand Jacob parle de la fin de l'humanité. Bon, on va dire qu'elle a 11 ans, mais elle est quand même pas vive, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y avait des signes avant-coureurs des problèmes. Et le groupe de Chapelwhite comprend qu'ils ont besoin de l'aide de la ville, qu'ils ne pourront pas combattre, tout seuls. Ouais. Donc, mais il faut quand même réussir à les rallier à leur cause, quoi. Oui. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Bon, une petite séance de show and tell. On leur prouve que les vampires existent. Mm. En leur en foutant une sous le nez. Qui donc brûle à cause de la lumière du jour, je suppose, et des croix. Oui, bah, c'est ça. La séquence marche pas mal, alors moins quand elle prend complètement feu, parce que les effets de flammes, c'est plus dur à faire en effets spéciaux, donc ils marchent moins bien. Mais ouais. Quand elle commence juste à être un peu en cendre, un peu fumante, oui. Je trouve que ça marche plutôt bien, surtout que bah, le fait qu'elle appelle à l'aide et tout, elle fait un peu pitié dans cette séquence. C'est une scène que je trouve réussie, ça, tu vois. Oui, clairement, moi aussi, je suis d'accord. Et ça convainc la majorité de la ville, mais pas tout le monde. Oui, il y en a, ils sont un peu, hein. Ouais, bah notamment Samuel, il est toujours, il est pas de chez nous, oui. Gna, les vampires romains, ils sont locaux, enfin j'en sais rien, voilà. Et la femme du pasteur fait semblant de se réconcilier avec lui. Oui, pour le tuer, pour l'empoisonner, je tellement cliché. Pas. Je comprends pas d'où ça sort, en fait. C'est vraiment, c'est... Pourquoi se débarrasser du personnage comme ça, c'est très bizarre. Oui, alors que c'était un des personnages les plus intéressants, en plus. Ah oui. C'est vraiment, ça ne sort de nulle part. Enfin, ça sort de nulle part. Et puis même, qu'est-ce que ça veut amener? Enfin, ils n'étaient pas en bon terme. Mais sinon, objectivement, il l'a trompé. C'est pas non plus gravissime. Tout à coup, le personnage de la femme vrille, devient une méga tueuse. Alors qu'elle était extrémiste religieuse, hein, jusque-là, mais pas meurtrière, a priori. Bah oui, voilà. Donc d'où ça sort, pourquoi ça, je sais pas. Et du coup, Samuel se suicide en voyant sa fille morte, parce que c'est sa fille. Là. Et pareil, en fait, ça fait juste disparaître un antagoniste qui était présenté depuis le début comme un potentiel gros antagoniste. Ben non, finalement, il est évacué comme ça. Et ça va être le problème de tous les antagonistes à partir de là, je trouve. Bah, et après eux deux, il n'y en a plus tellement. Hein. Il y a Jacob. Oui, il y a Jacob, il y a Steven. Il y a l'ouvrier, là, un peu bourru, bah, du coup, il les rejoint. Oui, lui, il les rejoint. Bah, il y a Steven aussi, l'autre vampire de la famille encore vivant. Oui. Il y a la fille aux pommes, à la limite, qui est très présente tout le long, donc on peut la considérer comme une antagoniste. Enfin, il y en a des antagonistes, juste, ils prennent pas, quoi. La fille aux pommes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc un groupe de la ville se met en place pour aller à Salem pour affronter les vampires. Les femmes et les enfants, ça va à l'église parce que c'est là où c'est le plus en sécurité, sauf Rebecca qui vient. Ouais. Parce qu'il y a son père. C'est ça. Elle veut le confronter. Et les vampires à Salem commencent le rituel d'invocation du ver. Alors il a l'air chiant le rituel. Faut se taper l'intégralité du livre à voix haute, le livre il est en latin. Comment ça marche si tu bloques en cours de livre, si tu bafouilles, faut reprendre 2-0, enfin j'en sais rien. Ouais. En plus, faut le faire en chantant. Ouais, mais ça fait des effets météorologiques jolis. Oui, ça, visuellement, c'est joli, mais c'est chiant d'invoquer un ver géant, quoi. Tu vois, moi, je serais un dieu maléfique. Le rituel pour m'invoquer, je le ferais hyper simple. Parce que déjà, faut trouver des gens qui veulent bien m'invoquer. Au moins, je fais en sorte qu'ils galèrent pas 3 ans, quoi, derrière. Ouais, faut pas danser à cloche-pied, enroulé dans du jambon, un soir de pleine lune, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, là, faut lire La Recherche du Temps Perdu pour l'invoquer, le bidule, bon... Ah, mais ils y arrivent, presque. Oui, ils vont presque y arriver. Enfin, ils y arrivent presque, à mon avis, le temps qu'ils... En réalité, ils en étaient à la page 10. Le livre a l'air d'en faire 300 solides. Hein, donc, oui. Je pense qu'ils étaient encore loin du compte, en vrai. Mais donc, oui, l'épisode 10, qui commence avec, en effet, le joli effet météorologique de l'éclipse dans le ciel et des espèces d'explosions d'étoiles partout. C'est plutôt joli, j'admets. Oui. Et en plus, c'est vrai que c'était malin. Ils avaient prévu d'attaquer de jour Charles et son groupe... Parce que les vampires sont plus faibles de jour, sauf que ça fait tomber brutalement la nuit, ça explique qu'ils tombent dans le piège des vampires, là, pour ouais. le coup. Et puis la surprise des personnages est bien faite, quoi. Oui. Ah, pour le coup, ouais, je trouve ça... Je trouve c'est plutôt malin, scénaristiquement parlant. Ouais. Mais donc voilà, ils arrivent chez les vampires, baston. Il y a Rebecca qui confronte son père, bon. À la rigueur, le plan est plutôt sympa, tu sais. Elle est par terre, lui, il est en haut, donc il la surplombe et... Il lui propose de boire son sang pour qu'elle se transforme et qu'elle reste avec lui éternellement. Je trouve le plan pas trop mal. Oui. Oui, à la limite. Là, on n'a pas vu assez les personnages ensemble pour que ça prenne au niveau émotionnel, mais le plan est pas trop mal, en effet. Voilà. Bah, du coup, elle veut pas. Bon, bah, le but, quoi. Tout simplement. Oui, voilà. Le maire se sacrifie pour détourner l'attention des vampires afin que Charles puisse aller vers l'église. C'est tellement nul. Ça fait vraiment scène de jeu vidéo, quoi. T'arrives vers des ennemis pour les aggro et ah, je suis là. Ah. Ouais, ouais, puis, c'est un peu ça, ouais. Et puis un autre personnage passe de l'autre côté, quoi. C'est tellement ouais. nul. Genre c'est des vampires, quoi. C'est pas des abrutis de première, quoi. Ouais, on peut être un vampire et complètement con. Il y a rien qu'empêche a priori, mais. Ouais, oui. Enfin là ils sont quand même un petit troupeau, quoi. Oui, ils sont nombreux dans la ville, ouais. Un autre truc que je reproche à toute cette séquence affrontement, c'est que bah t'es passé de l'épisode donc celui de l'assaut, c'était l'épisode 8, ouais. où vraiment ils ont du mal à lutter contre les vampires, et à celui-là où t'as l'impression qu'ils arrivent à en buter mais facilement quoi. Tu fais bah oui. C'est bizarre. Il y a le fait qu'ils soient plus nombreux, mais ça marche pas très bien quand même. Je suis d'accord. Bah oui, ça marche pas. Toujours est-il que dans l'église. Il y a le rituel qui se poursuit. Loa a normalement l'ordre de tuer Charles, mais elle tue finalement la femme sans nom qui est arrivée. Et donc combat entre Jacob et Charles. Au départ, Jacob prend l'avantage, mais Steven prend le livre et s'enfuit, je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais ça permet à Charles de tuer Jacob. Et encore une fois, c'est le grand antagoniste normalement, et il se fait neutraliser quand même super facilement. Ah oui, c'est ça. C'est très bizarre. Et ce sera pareil juste après avec Steven au cimetière, où Steven semble gagner un bref temps, mais pas très longtemps, et Charles va s'en débarrasser sans trop de peine. Donc en fait, les deux grands antagonistes disparaissent l'un derrière l'autre, de manière pas très impressionnante, et c'était bien plus impressionnant en fait quand Philippe se faisait harponner quelques épisodes plus tôt. Bah oui. C'est un peu paradoxal que la mort la plus impressionnante, elle soit à l'épisode 7, et que les morts des antagonistes de l'épisode 10 soient très plates. Ah mais c'est parce que Philippe, on savait où il se cachait. Salaud. Le rituel s'achève, donc le verre n'a pas été invoqué. Mm. Pour le coup, on ne le voit pas du tout dans la série, alors que dans la nouvelle, c'est mentionné qu'il en a un bref aperçu, tout de même. Là, c'est pas le cas. Ouais, bon, c'est pas plus mal. Oui, oui, c'est peut-être pas plus mal de pas avoir tenté. Mais donc, à partir de là, il reste une demi-heure et c'est long. Ah oui, mais ça veut pas se terminer, quoi. Ouais. Et je comprends les trucs qui restent, hein. Je comprends qu'il faut régler le cas de Loa, je comprends qu'il faut se débarrasser du livre, mais c'est beaucoup trop long après le climax, quand même. Bah là, t'as le temps de t'endormir, quoi. Je laisse nous dire un peu ce qui se passe. Charles prend une décision importante. Il va faire de la chirurgie esthétique. Non mais il faut quand même en bouger des organes normaux pour faire ce qu'ils lui font. Oui, bah après il se fait déjà transformer en vampire, donc je pense qu'une fois que t'as fait ça, tu peux les retirer la majorité des organes. Tu laisses le cœur et tu retires le reste. J'avais pas pensé à ça. Mais donc oui, il se fait vampiriser par sa fille dans l'optique de se faire ouvrir par un médecin, un vrai médecin traitant. Il a sa carte de mutuelle et tout, et pour que le médecin lui mette le bouquin dans le bide. Pour toujours avoir le bouquin sur lui. Parce qu'il sait qu'il va être poursuivi ad vitam aeternam pour ça. Oui. Et ouais. Le fait d'avoir le bouquin sur lui, ça laissera sa famille tranquille parce que du coup, le bouquin sera bien avec un mort. Voilà, et donc du coup, la malédiction n'existera plus. Ce qui est logique. Hein. Voilà. Mmh. Voilà. Ce qui est logique, la fin est plutôt maligne, voilà. Mais c'est juste que ça met trois plombes à se réaliser, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'appeler un médecin ? C'est-à-dire, une fois qu'il est mort, il est immortel, bon, tu prends un couteau de cuisine, t'ouvres, tu fous le bouquin, tu refermes avec du fil de couture, et hop, emballé, c'est pesé. Enfin, avec du fil de pêche. C'est pas comme si t'étais intéressé à faire du travail propre à ce stade-là, normalement. Écoute, il veut garder ça, il veut garder ses pectoraux, voilà. Il veut tout garder en place. Mais oui, l'idée est plutôt jolie. Et après, ça reboucle en plus avec tous les personnages qui partent en mer, tous les personnages qui meurent en mer, puisque Charles part en barque tout seul sur la mer pour s'éloigner des vivants. Oui. Et les enfants, dont Loa, qui est toujours vampire, vivent a priori avec Rebecca. C'est plutôt joli comme fin, même sur ce qu'on peut deviner de ce que sera l'acceptation de Loa par les deux autres, de comment elle vivra, de quelle sera sa place. Ça aurait duré 10 minutes, ça aurait été bien, hein, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que là, ça met 30 minutes à tout se réaliser, quoi. Ouais. Beaucoup trop long, quoi. En plus d'être réalisé de manière ultra plate et tout ça, quoi. Oui, en plus, on y revient à ça, mais à la limite, la photo très très grise sur la disparition, sur quand Charles part en mer, ça aurait pu marcher si la photo avait pas été très très grise à plein d'autres moments de la série. Là, il y a un contraste. Oui, parce que là, c'est une photo très crépusculaire, donc c'est logique. Ouais. Mais donc voilà, ça s'achève. Encore une fois, ouais, ça a pas été complètement nul, c'est juste que les défauts m'ont énervé et que ça prend jamais vraiment à part de manière exceptionnelle sur quelques scènes. Parce que c'est trop long, parce que c'est trop plat. Ça. Est-ce que t'as des choses à ajouter ? Non, je pense qu'on a fait un sacré tour et que ça suffit. Ouais. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Et donc nous allons passer à une scène, et c'est parti. Très bien, nous allons lire un extrait issu du milieu à peu près de la nouvelle, la lettre du 19 octobre de 1850 de Charles Bones à son ami Bones, quand il va rendre visite à l'ancienne gouvernante, Madame Cloris, pour obtenir plus d'informations. Alors moi, dans mon édition, qui est l'édition complète et illustrée de Salem, publiée par France Loisirs, la traduction est a priori de Dominique Defer, et nous sommes au bas de la page 535, quand on arrive à ça. Je te laisse donner tes références à toi. Donc moi, c'est l'édition Livre de Poche, une traduction de Loris Muraille et Nathalie Zimmermann, et je suis à la page 55. Et toi, c'est Danse Macabre que t'as, donc. Oui, moi, c'est Danse Macabre. Ouais, voilà. Je me mis donc en quête de Madame Cloris, résolue à éclaircir le mystère que constituait pour moi l'hostilité de Thompson. Elle est veuve, et tu peux réprimer tes instincts de marieuse, Boone. Elle est d'au moins 15 ans mon aînée, et moi-même je n'ai plus 20 ans, et vis seule dans une ravissante maisonnette, à deux pas de l'océan. Je la surpris en train d'étendre du linge, et elle sembla sincèrement contente de me voir. J'en éprouvais un grand soulagement. Il est humiliant, au-delà de toute expression, d'être traité comme un paria sans en comprendre la raison. « Monsieur Boone, » fit-elle en esquissant une révérence. « Si vous venez pour du lavage, je n'en prends plus passé septembre. Le mien suffit largement à mes rhumatismes. J'aurais préféré que le lavage fût en effet l'objet de ma visite, mais je viens vous demander de l'aide, Madame Cloris. Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez à propos de Chapelwaite et de Jérusalem Lot. Et pourquoi les gens du pays n'éprouvent que peur et méfiance à mon égard ?»« Jérusalem Lot ? Alors, vous savez, oui, Calvin et moi y avons été voici une semaine. » « Mon Dieu !» Elle chancela, soudain pâle comme une morte. Je tendis le bras pour la soutenir. Ses yeux étaient révulsés et, un instant, je crus qu'elle allait s'évanouir. « Madame Cloris, je suis navré si j'ai dit quelque chose qui... « Entrez » fla-t-elle. « Faut que vous sachiez, Seigneur Jésus, les temps maudits sont de retour. » Elle ne voulut plus rien ajouter avant d'avoir préparé du thé bien fort dans sa cuisine ensoleillée. Quand il fut servi, elle laissa son regard s'attarder pensivement sur le spectacle de la mer. Comme il était fatal, ses yeux et les miens furent attirés par le promontoire de Chapelwaite Head. Là-haut, la maison faisait face à l'océan. La grande baie vitrée scintillait comme un diamant dans les rayons du soleil couchant. Le tableau était magnifique, mais étrangement troublant. Brusquement, Madame Clorice se tourna vers moi et avec véhémence me déclara. « Quittez Chapelwaite immédiatement, Monsieur Boone. » J'en restais abasourdi. « Ça sent le soufre depuis que vous vous y êtes installé. Toute la semaine dernière, depuis que vous avez mis le pied dans cet endroit maudit, les signes de mauvais augure se sont multipliés. La lune est dans l'eau, des flopées d'engoulement ont envahi les cimetières, un enfant monstrueux est né, vous devez partir. » Lorsque l'usage de la parole me fut revenu, je répondis avec tout le calme dont j'étais capable. « Ce sont des histoires à dormir debout, Madame Clorice, et vous le savez très bien. Et que Barbara Brown a donné naissance à un bébé sans yeux, je l'ai rêvé. Ou que Clifton Brockett a découvert dans les bois, près de Chapelwaite, une longue trace large de 5 pieds, où tout est devenu blanc, blanc et desséché. Et vous, vous qui avez été à Jérusalem Lot, affirmeriez-vous que rien n'y vit plus ?» Je ne pus protester. L'épouvantable scène de l'église se déroulait là, à nouveau, devant mes yeux. Elle pressa l'une contre l'autre ses mains déformées pour essayer d'apaiser ses nerfs. Tout ce que je sais me vient de ma mère qui, elle-même, le tenait de la sienne. Connaissez-vous ce qui se rapporte à Chapelwaite dans l'histoire de votre famille ? Vaguement, répondis-je. Les descendants de Philip Boone habitent la maison depuis les années 1780. Son frère Robert, mon grand-père, émigra au Massachusetts à la suite d'une dispute concernant des papiers volés. Je ne sais pas grand-chose de la branche issue de Philip, sinon qu'elle a toujours été marquée par un sort contraire. Qu'il s'agisse du père, du fils ou des petits-enfants, Marcella perdit la vie dans un tragique accident et voici qu'un semblable destin vient de frapper Stephen. Son désir était que je m'installe avec les miens dans la maison et qu'un point final soit ainsi mis à cette longue brouille. Jamais, ce ne sont pas des choses qu'on efface, jeta-t-elle dans un souffle. Vous ne connaissez donc pas l'origine de la dispute ? Robert Boone fut surpris en train de forcer le bureau de son frère. « Philip Boone était fou, » dit-elle. « Cet homme pactisé avec le diable. Tout ce que Robert Boone tentait de subtiliser était une Bible impie, rédigée en langue ancienne, en latin, en gaélique, en d'autres. Un livre démoniaque. » « De Vermis Mysteris ?» Elle vacilla. « Comment savez-vous ? » ?»« Je l'ai vu. Touché, même. » Elle sembla de nouveau sur le point de s'évanouir, puis porta la main à sa bouche, comme pour étouffer un cri. « Oui, à Jérusalem Slot, sur la chair d'une église souillée et profanée. Il y est toujours, alors, il y est toujours. » Elle s'agita sur sa chaise. Et j'espérais que Dieu, dans sa grande sagesse, l'avait confiée au feu de l'enfer. Qu'y avait donc à voir Philip Boone avec Jérusalem Lot ? Il y était lié par le sang, affirma-t-elle sombrement. La bête l'avait frappé de son empreinte. Même s'il présentait aux autres le visage de l'agneau, c'est pendant la nuit du 31 octobre 1789 que Philip Boone disparut, et, avec lui, toute la population de ce village maudit. C'est tout ce que je puis en tirer. D'ailleurs, elle ne semblait pas en savoir davantage. De nouveau, elle me supplia de partir, prétextant que le sang appelle le sang. Puis marmonna je ne sais quoi à propos de ceux qui guettent et ceux qui veillent. Elle montrait une agitation croissante à mesure que la nuit approchait, et, pour l'apaiser, je lui promis de méditer ses paroles. Très bien, et maintenant, la même scène, enfin une scène équivalente, dans Chapelwaite. Vous étiez présente à leur funérailles ? Il n'y en a pas eu. Mais il y a eu des visites. Philippe a exposé les corps dans le petit salon pendant 2 jours. Les curieux sont venus. Mais ce n'était pas pour présenter leurs condoléances. Ils se réjouissaient de voir Stephen mort. Pourquoi pas de funérailles ? Le 3e jour, quand je suis arrivée, les corps n'étaient plus là. Philippe avait enterré son fils et sa petite-fille dans le cimetière familial. Dès lors, ce fut un homme brisé, qui quittait rarement la chambre. Une semaine plus tard, Philippe s'est jeté à la mer. Son corps n'a jamais été retrouvé. Vous êtes la seule à avoir été témoin de leur mort. Il n'y a personne d'autre. En effet. Madame Clarisse. Je pense que vous me cachez quelque chose. Je suis persuadé que Steven est en vie. La nuit dernière, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai ouvert la tombe de Steven. Vous savez ce que j'ai trouvé? Rien. Vous avez une explication? Eh bien, j'ai été attiré ici, sous le fallacieux prétexte d'un héritage. Dans quel but? Je ne sais pas du tout. Vous allez me dire ce que vous savez! Où est Steven Boone? Je ne saurais le dire. Aussi, je pense que vous savez. Je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Quand vous verrez mon cousin, dites-le-lui. Dites-lui que je le cherche. Et je le trouverai. Très bien, donc la scène à l'écrit permet de constater le style un peu particulier adopté par King dans cette nouvelle et qui est repris à la traduction, à savoir de donner un ton un peu vieillot à l'écriture pour vraiment pasticher les textes du 19e ou du début du 20e. Oui, et c'est marrant parce que du coup tous les événements de la série sont dits mais vraiment de manière ultra... torché, entre guillemets, dans la nouvelle. La naissance du gamin difforme et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui en sont évoqués ici, en effet. Mais la série a pas mal fait ça, de reprendre des éléments qui sont évoqués rapidement et de les développer et de construire son univers autour de ça. La grosse différence qu'il y a entre les deux scènes, parce que le contenu en lui-même est relativement similaire. Alors, les liens familiaux sont pas tout à fait les mêmes entre la série et la nouvelle. Comme on l'a dit, ils sont simplifiés dans la série. À cette occasion, dans la série, on apprend que Steven Boone s'est suicidé suite à la mort de sa fille, Myrcella. Et il y a aussi de plus en plus la parano de Charles qui augmente à ce moment-là de la série. Ouais. Tandis que dans la nouvelle, en fait, il n'est pas particulièrement agressif envers Madame Clarisse. Oui, non, effectivement, il est même plutôt... calme envers elle. Oui, il la considère comme un de ses rares soutiens potentiels, même si elle fera pas grand-chose d'autre. Voilà, c'est ça. Elle fera même plus jamais rien après. Oui, parce qu'on la reverra très peu par la suite. Il y a une scène où le maire, je crois, va la voir pour avoir des informations, mais après, la seule fois où on la revoit, c'est quand elle se fait tuer par les vampires. Oui. C'est effectivement pas un personnage très très important. Non, clairement pas. Mais du coup, je trouve que à l'écrit, c'est une scène qui marche. Et même dans l'adaptation, je trouve que c'est pas trop mal dans le choix qui a été fait de montrer que Charles se rend compte qu'il s'est fait avoir, qu'il y a des gens qui lui mentent et qu'il a été attiré là dans le cadre d'un complot. Oui, en fait, c'est une manipulation depuis le début. Ouais. Le choix d'adaptation pour insérer cette scène dans la nouvelle figure qu'a créée la série, pour le coup, je le trouve pas trop mal. Oui. Après, ça dure un peu trop longtemps. Mais oui, voilà. Par contre, comme tout dans la série. Oui, ça oui. Bon, je pense qu'on peut passer au classement. Oui, allons-y. bien, il est temps pour nous de passer au classement. Au classement de livres et films. Comme d'habitude, je m'occupe des écrits, donc romans et nouvelles. Et Issam s'occupe des adaptations, films, séries télé, courts-métrages, pièces de théâtre, opéra, voilà. Symphonie, on peut tout faire, hein. Sculpture. Livre audio. Livre audio lu par Monsieur Sarkozy, n'est-ce pas ? Oh là, oh non. Après, à la limite, les évader, lu par Sarkozy, pourquoi pas. Non, parce qu'il s'est même pas évadé, ce connard, on l'a fait sortir. Ouais. Pardon. Oh, il serait capable de te dire qu'il s'est évadé, quand même. Hein. Pas de politique dans mon podcast, Issam, ah. Vas-y. Pour les livres, nous avons actuellement 72 écrits. Les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée. Un top 5 qui n'a pas bougé depuis un bon moment. Ouais. Et aux 5 dernières places, nous avons L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et les Tommy Knocker. Et lui non plus n'a pas bougé depuis un moment. Non, ça fait un bon moment là, ouais. Ou Maître Jérusalem Lot. Alors déjà, mes yeux sont tombés par hasard sur Crunch End à la 40e, bah, c'est mieux. C'est mieux que Crunch End. Oui, je suis d'accord. Et très tôt, après Crunch End, j'ai déjà des doutes, hein, parce que La Presseuse, c'est quand même très bien. J'aime beaucoup La Presseuse pour son côté policier et tout, qui est, je trouve, une nouvelle qui se tient vraiment. Ouais. Oui, je suis d'accord, mais je me demande si là, je préfère pas encore Crunch End pour Jérusalem's Lot, pour le côté pastiche Lovecraftien qui, je trouve, marche bien. Ça remontera pas beaucoup plus, mais peut-être au-dessus de La Presseuse pour moi. Après, je comprendrais si tu voulais le mettre en dessous. Putain, Dreamcatcher est au-dessus, vache. Oui, vu qu'il nous a fait beaucoup rire. Ouais, au-dessus de La Presseuse. En vrai, je préfère quand même Jérusalem's Lot à l'affaire de mai. Hein. De mai. Ah ouais? Ouais. Oui, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, au-dessus de l'affaire Dumney. Ouais, ok, ça me va. Ça te va? Donc, Celui qui garde le verre, ou Jérusalem's Lot, selon vos traductions, prend la nouvelle 37e place entre Dreamcatcher et La dernière affaire Dumney. Du côté des films, il y en a actuellement 114 films et séries de classés, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Astrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, ça n'a pas bougé depuis très longtemps. Mais pareil pour le flop 5, il y a des trucs qui s'en sont approchés sans l'atteindre, puisque nous avons depuis un moment Children of the Corn Genesis de Joel Soissons, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Dr. Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Mann et Jorge Valdaciga, et Room 237 de René Asher. Ah, ce flop 5 qui fait peur. Ouais. Ah, c'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent à nous. Quoi. Alors, en remontant, là, je tombe sur d'autres séries, à savoir Le Bazar de l'Épouvante et Le Fléau, qui sont respectivement 74e et 75e, et là, je dois admettre que Chapelouet était quand même mieux, nettement. Oui. Ne serait-ce que parce que c'est mieux joué. C'est mieux que Le Salem de Michael Salomon, qui était quand même un sacré bordel, qui est à la 63e. Ouais. C'est mieux que Le Téléphone de Harrigan, hein, que Shining, Les couloirs de la peur. Ouais. C'est mieux que 22-11-63. Bah, c'est là que ça devient compliqué, parce que je trouve que les qualités et les défauts vont être relativement similaires. Je pense que c'est mieux joué que 22-11-63. Peut-être qu'il se passe un chouïa plus de choses, encore qu'il y avait des épisodes où ça allait dans 22-11-63, mais niveau réalisation photo, il y avait un peu plus d'idées dans 22-11-63. Ouais, par contre, oui, clairement. Ça peut être au-dessus, mais pas beaucoup, tu vois. On est nettement dans cette zone-là. Ouais, ouais. Je pense que je préférerais revoir 22-11-63. Parce que de mémoire, ouais. Moins long. Oh, je crois que c'est à peu près le même format, non ? C'est 10 épisodes de la même durée, je crois. La durée des épisodes, j'ai un doute. Ah, il y a moins d'épisodes au total. Alors, il y en a 7 qui font entre 42 et 57 minutes, et un qui est un double, qui en fait 81. Ça fait un épisode de moins, techniquement, quand même, au global. Ouais, tu vois, c'est moins long. Ouais. Ouais, non, mais peut-être en dessous de 22-11-63. Mais c'est deux séries assez proches, hein, au niveau qualité et défaut. Très bien, donc Chapelwhite prend la nouvelle 60e place entre 22-11-63, chauronné par Bridget Carpenter, et 1922 de Zach Ilditch. Nous allons pouvoir procéder au tirage au sort pour la prochaine fois. Je vais mélanger et c'est à toi de me dire stop. Ok. Eh bien, stop. J'ai un papier. C'est le principe. Alors, il s'agit de... J'ai totalement oublié ce que c'est que ce truc. Oh là là, ça fait peur déjà. Il s'agit de The Revelation of Becca Paulson, réalisé par Steven Weber, d'après une nouvelle éponyme. Ah oui, je crois que la nouvelle n'a été publiée dans aucun recueil et qu'il va donc falloir la trouver en PDF. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est un épisode de la série d'anthologie Outer Limits. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est comment t'as dit ? The Revelation of Becca Paulson. Mais est-ce que la nouvelle est traduite en français au moins, j'espère ? Bah, je pense pas, en tout cas pas officiellement, mais ça peut se trouver. 1984. Eh ben. Ah, ça a été traduit en français. Ah, oh la vache, c'est un truc qui a servi de source d'inspiration à une scène des Tomino Curls, apparemment. Oh là là là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et encore, on se lance. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah ça va être bien, tiens. Quand est-ce que j'ai ajouté ce truc-là ? Je devais être bourré. Pourquoi t'as foutu ça ? Oh là là, mais sur Wikipédia, il n'y a qu'une page en anglais, c'est tout. Ouais, ça a servi pour une sous-intrigue des Tomino Curls. Oh là là. Toute la sous-intrigue sur la meuf à qui Jésus parle, de son mari qui la trompe. Ouais. Ben, c'est ça, la nouvelle, a priori. Ah. Ah, mais donc, c'est dans les Tomino Curls, alors. Ça a été... Ben, la nouvelle existe indépendamment. Ah. Et ensuite, elle a été un peu réécrite et inclue dans les Tomino Curls. Ah, bah c'est super. Apparemment, ouais. il y avait un projet d'adaptation, là, dernièrement, qui a été annulé. Ah, c'est super. Je viens de voir ça sur Stephen King France. Bon, alors, évidemment, on va devoir relire les Tomino Curls hein, pour voir exactement les différences entre les deux. Alors, évidemment, non. Alors toi tu le feras mais moi non. Bon bah très bien, bah, dans un mois on se retrouve pour parler de ce truc dont j'avais totalement oublié l'existence. Oh là là là là, très bien. Ça va sûrement être super. Ah oui, super. Ouais. En attendant, vous pourrez nous retrouver dans 2 semaines dans 30 millions d'attaques pour un épisode dédié à Lake Placid Legacy, le 5e film de la série Lake Placid, qui est sûrement un chef-d'œuvre celui-là aussi. Mais... Ah oui. Ah oui, oui, oui. Prochain enregistrement. Ah la vache. Ah ouais. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en attendant. Ah oui, vous pouvez nous retrouver au cimetière du Père Lachaise. sur Blue Sky, @cinémaarchiviste pour toi, Chris-Lucis The Lost Tales pour moi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, Discord, on met les liens, sur YouTube pour moi, l'archiviste du cinéma, et dans un nouveau podcast appelé Women, que je fais avec d'autres personnes, voilà. Pour une fois, ça fait changer d'équipe, c'est bien de faire des trucs avec des gens intéressants aussi. J'y suis pas, donc c'est moins bien. Mais... et c'est pas mon projet à moi, donc c'est mieux. Mais... non mais c'est très bien, écoutez, je suis très content du résultat, il y aura peut-être le deuxième épisode d'ici que ça, ah, ça doit être très bien. Et j'ai pas encore eu le temps d'écouter le premier parce que j'ai pas eu le temps de terminer la filmo de Julie Jung, mais ouais. Ça ne serait tardé. Et le deuxième sera sur Tempura d'Akiko Oku. Ah, ouais. Le deuxième sera que sur un seul film ? Ouais, pour le coup, on variera d'une fois sur l'autre entre un film ou... Ah d'accord, j'étais en train de me dire, après un épisode, vous devenez déjà des feignasses, c'est pas bravo. Bah, en fait, le truc, c'est que Julie Jung, elle a pas fait grand chose, enfin, elle a pas fait énormément de films, tandis que Akiko Oku, toute sa filmo, elle en a fait une quinzaine, dont des difficiles à trouver, mais du coup, ça ferait trop long. Eh bah, faut faire comme je pense que ça dépendra pas mal de ça. Faut faire comme Discordia, vous faites des sessions, vous faites des épisodes par série. Même si Discordia, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mourir à l'intérieur avec leur série sur Shah Rukh Khan, là, où ils sont plongés dans les trucs de merde. Mais très bon podcast Discordia que je vous conseille. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit. Exactement. On se retrouve donc dans un mois pour, ça s'appelle comment ? La révélation de Becca Paulson. Ah.